Benji Electrabel. C'est avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. 11 à 13 degrés pour la nuit prochaine, Cyril, avec un ciel étoilé dans la plupart des régions, à part dans les vallées du sud où le brouillard va s'installer. Demain, après les dissipations de la grisaille, le ciel devrait être partout assez ensoleillé et du coup les maximums ont légèrement remonté, 16 à 22 degrés. Jeudi, le franc encore sec, mais les nuages vont s'épaissir. On pourrait avoir le passage d'une zone pluvieuse en soirée, maxima 17 à 22 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Le soulagement pour les étudiants de médecine, la justice leur donne raison concernant le concours de fin de première. Les reçus collés peuvent s'inscrire en deuxième, un soulagement. Je vais pouvoir assister au cours légalement, je vais pouvoir assister au TP, donc ça, voilà, soulagé. Nous ne voulons pas du poulet au chlore. Des milliers de manifestants sont réunis en ce moment à Bruxelles pour dire non au TTIP, le traité de libre-échange Europe-États-Unis. Ont-ils raison de s'inquiéter? C'est la question que nous poserons à Anne Blanpin, notre spécialiste Europe. Enquêteur et juge d'instruction interrogé aujourd'hui au procès de Bernard Westphal, la téléphonie semble mettre à mal la version de l'ex-député. En football, les clubs de D1 entrent dans la danse en Coupe de Belgique. Aujourd'hui, Moucron contre Dessel, notamment un club de division 3 amateur. Alors des amateurs contre des pros, c'est pas un peu déséquilibré? L'Union belge a prévu des contrepoids, mais ça ne marche pas toujours. Le journal sur Vivacité, c'est avec Simon Gérard. Bonjour Simon. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Une nouvelle victoire pour les étudiants en médecine, puisque la justice leur donne raison concernant le problème des numéros inami. Et deux jugements favorables sont tombés. Les étudiants protestaient contre le concours en fin de première, censé filtrer les étudiants et leur donner ce fameux numéro inami indispensable pour exercer. Pourquoi? Eh bien parce que certains ont réussi leurs examens, mais ils ne font pas partie des lauréats à ce fameux concours. On les appelle les reçus collés. Ces étudiants risquaient de rester sur le carreau. Alors plusieurs actions ont été introduites. Aujourd'hui, premier jugement, la justice ordonne de laisser passer les étudiants qui ont réussi plus de 45 crédits. Un soulagement pour les étudiants concernés. On est très contents, on est fatigués, on s'est battu toute l'année pour travailler dans une ambiance pas sereine non plus, parce qu'il y avait beaucoup de compétition. Mais voilà, ouais, soulagée, fatiguée et contente et très motivée pour cette année, en tout cas. Concrètement, vous allez vous inscrire demain à l'université? Dès ce soir. Dès ce soir, je vais rentrer, je vais pouvoir assister aux cours légalement, je vais pouvoir assister au TP. Donc ça, voilà, soulagée. Une interview réalisée par François Louis et notez que d'autres jugements doivent tomber dans les prochains jours. Évitez le centre de Bruxelles. La rue de la Loi est inaccessible en ce moment. Plusieurs milliers de manifestants sont rassemblés dans le centre de la capitale. Ils protestent contre le fameux TTIP, l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, ainsi que le CETA, l'accord avec le Canada. Alors, le premier traité est en négociation. Un accord a été conclu pour le second, mais il doit encore être ratifié. De nombreuses ONG redoutent que les standards américains soient imposés aux Européens. Et puis, dans la manifestation, il y aura aussi des citoyens. Nicolas Guilbeault se présente comme un citoyen engagé. Je crois que c'est pour tous les droits de la population en Belgique. Donc le TTIP va s'attaquer à tous les domaines d'activité en Belgique. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans ces traités? C'est la libéralisation un peu de tout. Donc les normes sociales, effectivement, elles vont disparaître. Et la malbouffe va encore être plus présente qu'elle n'est déjà aujourd'hui. Et au niveau du travail, effectivement, on va permettre à des sociétés, des multinationales de s'installer sans pouvoir plus rien dire contre. Des propos recueillis par Françoise Berlaimont avec les moyens techniques de Stéphane Crombin. Notez que les manifestants doivent rejoindre le rond-point Schuman où ils réaliseront un bouclier humain à 18h30, symbole de défense face aux deux traités. Puis des militants de l'aile belge du mouvement Nuit Debout passeront la nuit sur le rond-point Schuman. Alors allons un petit peu plus loin avec vous, Anne Blanpin, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste Europe. On vient d'entendre un manifestant, hein. Est-ce que ces manifestants ont raison de s'inquiéter? Disons qu'au-delà de ce que l'on vient d'entendre, ce qui les inquiète et ce qui peut les inquiéter, c'est que pour la première fois, L'Union européenne négocie un accord avec un partenaire beaucoup plus puissant qu'elle. Les États-Unis, qui, vous le savez, n'ont pas les mêmes normes que nous, ne sont pas aussi divisés que nous, les Européens. On sait qu'ils n'hésitent pas à faire pression sur les Européens. Et donc, pour la première fois de l'histoire de ce genre d'accord, nous ne sommes pas, nous, Européens, en position de force. Alors, ces deux traités ne sont pas encore appliqués. Au niveau des négociations, on en est où ? Il faut distinguer les deux accords. Vous l'avez dit, les négociations avec le Canada sont terminées depuis 2 ans déjà. Le texte est prêt. Les 28 doivent encore le signer, puis le ratifier en passant par leur Parlement. Et il faut l'unanimité des 28 et le oui du Parlement européen. Tout ça ne sera pas facile. Le traité avec les États-Unis, lui, n'existe pas encore. Les négociations sont en cours, mais ça traîne, tout simplement parce que les États-Unis dévoilent très peu leurs cartes et ne font pas beaucoup de concessions. Alors Anne, finalement, quelles sont les chances pour que cela aboutisse ? Le traité avec le Canada était bien parti pour être appliqué un jour, mais il fait les frais, si l'on peut dire, des négociations avec les États-Unis. La méfiance des opinions publiques et de certains parlements, comme le Parlement wallon par exemple, explique qu'il faudra encore pas mal de temps pour imaginer que tout ou une partie de ce texte puisse entrer en vigueur. Bon, le traité avec les États-Unis, lui, est franchement très mal parti. D'abord parce qu'il y a des élections en France et en Allemagne l'an prochain, et que l'opinion publique dans ces deux pays est majoritairement contre ce traité. Ensuite, parce que les États-Unis, eux, vont changer de dirigeant à la fin de cette année. Et si Barack Obama passait pour un partisan de ce traité, eh bien les deux candidats à sa succession n'en disent pas grand-chose. Donc pour l'un comme pour l'autre, si traité il y a un jour, eh bien ce ne sera pas pour tout de suite. Merci pour ces précisions, Anne Blanpin. Policiers, juges d'instruction sur le grill aujourd'hui dans le procès de Bernard Westphal. Oui, tous ceux qui ont participé à l'enquête ont raconté comment ils ont retrouvé la fameuse chambre d'hôtel et la salle de bain où a été retrouvé le corps de Véronique Piroton. Le tribunal s'est aussi penché sur les photos, les pièces à conviction et aussi la téléphonie. Alors Fabrice Gérard, vous êtes en direct, vous suivez ce procès pour Vivacité. Cette téléphonie semble contredire aujourd'hui les déclarations de Bernard Westphal. Oui, effectivement, un Simon est singulièrement un appel qui provient de l'un des deux GSM de Bernard Westphal. Deux téléphones que les enquêteurs ont retrouvés dans la chambre 602 de l'hôtel Mondo à Ostende. Et cet appel, c'est un appel sortant vers la propre messagerie de Bernard Westphal, un appel passé à 21h28 précise. Pourtant, dans ses déclarations, Bernard Westphal a expliqué que le soir du drame, lui et Véronique Piroton étaient rentrés à leur hôtel entre 20h37 et 20h41. Ça s'est attesté par les caméras de surveillance. Et qu'une fois dans leur chambre, son épouse avait perdu le contrôle de ses nerfs, qu'il s'était disputé entre 20 et 30 minutes, que Véronique Piroton se serait ensuite calmée et que lui, Bernard Westphal, eh bien, il en aurait alors profité pour s'assoupir. Ce qui nous fait donc, Simon, si vous me suivez bien, 20h40 dans la chambre, 21h10, fin de la dispute, et l'ancien député qui s'endort immédiatement après. D'où cette question, comment Bernard Westphal a-t-il pu appeler sa messagerie vocale à 21h28 alors qu'il est endormi depuis près d'un quart d'heure? Bernard Westphal a expliqué devant la cour d'assises qu'une option de son GSM rappelait automatiquement sa messagerie lorsqu'il y avait un message dessus. Peu probable, Simon, que cette version des faits ait convaincu le ministère public et le clan de Véronique Piroton. Merci Fabrice Gérard, c'était très clair. Je rappelle que vous étiez en direct des assises du Hainaut. En bref, il faudra avoir 16 ans minimum et passer un permis pour pouvoir rouler sur les vélos électriques les plus puissants, ceux qui dépassent les 45 km/h. Cette mesure sera appliquée le 1er octobre prochain. À présent, une fameuse tuile pour les entreprises qui travaillent sur le chantier du contournement de Couvain. Oui, les pneus de plusieurs dizaines d'engins ont été crevés ce week-end. Le préjudice est considérable et l'impact de cet acte malveillant sur le déroulement des travaux se fait déjà sentir. Des ouvriers se retrouvent en chômage technique pour quelques jours. Quant à l'enquête, elle s'annonce délicate, Hugues Van Peel. Ce n'est pas la première fois que le chantier du contournement de Couvain est la cible de vandales. En 2015, face à l'ampleur des dégradations, une instruction avait même été ouverte pour association de malfaiteurs et tentative d'homicide. L'enquête est toujours en cours. À l'époque, le ou les auteurs avaient laissé un étrange message de revendication ponctué d'une signature « L'ange chevalier, défenseur du ciel et de la terre ». Un nouveau message et cette même signature ont été découverts après les faits commis ce week-end. Mais pour les enquêteurs, il est trop tôt pour établir des liens formels. Le travail s'annonce très long. Virginie Vollmar, chef de corps de la zone de police des Trois-Vallées. Les constats sont assez énormes à faire, dans le sens où il s'agit de beaucoup de véhicules étalés sur pas mal de kilomètres, donc surtout le chantier du contournement. Dès lors, il faut nous laisser un peu de temps pour pouvoir exploiter les traces et indices, les informations, les enquêtes de voisinage qui ont été réalisées jusqu'alors. 220 pneus de camions, de bulldozers, de tracteurs et de remorques systématiquement crevés au moyen d'une foreuse. La facture avoisine le million d'euros. Pour les entreprises concernées, c'est un gros problème logistique à gérer. Il faudra sans doute plusieurs jours pour tout réparer. Dans l'immédiat, près de 60 ouvriers se retrouvent en chômage technique et le chantier censé s'achever dans 2 ans prend du retard. À Liège, l'ancien site universitaire du Val-Benoît renaît. Le bâtiment du génie civil est terminé. Sa rénovation a coûté 24 millions d'euros au total. Elle a duré 3 ans. Ses 15 000 mètres carrés vont devenir un zoning vertical. Petit à petit, donc, l'entrée sud de la ville de Liège va redevenir présentable. Petit aperçu avec François Bréban. Le site universitaire du Val-Benoît date de 1930. Il était laissé à l'abandon depuis 2005. Mais ces bâtiments modernistes sont trop beaux pour être démolis. À grand renfort de millions d'euros, la SPI, l'intercommunale de développement, vient d'achever la rénovation d'un premier lot. Une petite entreprise vient déjà de s'y installer. Mathieu Remac. Comment s'appelle l'entreprise ? Smart Notes. Oui, on est là depuis lundi. En fait, on a commencé par faire toutes les caisses et tout ça. Et puis ce matin, c'est les premiers jours où on peut un peu travailler. On a plus de place. On est mieux situé par rapport aux accès comme la gare, l'autoroute et compagnie. Il y a là en tout 1000 mètres carrés de bureaux et 7300 mètres carrés d'espace brut à aménagé pour de la petite production. Françoise Lejeune, directrice générale de la SPI. Les entreprises dans la partie espace entreprise viennent avec leurs crayons, leurs PC, s'installent et il y a des armoires, il y a de tout. Ce sont des travaux qui ont duré combien de temps ? Le chantier en lui-même, environ 3 ans. Toutes les parties en maçonnerie ont été conservées. Ce sont les grandes parois vitrées qui ont été mises à l'extérieur en mur rideau isolant. L'amphithéâtre central a été démoli pour laisser entrer la lumière dans le reste de l'immeuble. La ruine voisine, dite chimie-métallurgie, sera rénovée. Elle aussi, là, les premiers travaux doivent commencer dès l'automne. En bref, à quelle sauce seront mangés les deux députés NVA frondeurs ? Henrik Veuille et Verle Water sont en réunion depuis 15 heures. Leur sort sera scellé après cette réunion. Les deux députés ont été écartés pour rappel de leur fonction au sein du parti. Henrik Veuille et Verle Water sont osés critiquer Bart De Wever car le président de la NVA a l'intention de reconduire la Suédoise et ainsi mettre peut-être le communautaire au frigo. En bref, toujours, la police a démantelé un réseau de passeurs irakiens. 4 membres ont été placés en détention provisoire. Les passeurs demandaient jusqu'à 20 000 dollars pour acheminer un Irakien vers la Belgique. La police n'a pas donné d'estimation du nombre de personnes qui seraient passées via ce réseau. En football, les choses sérieuses commencent pour la Coupe de Belgique. Ouais, 16e de finale, l'entrée en lice des clubs d'élite. Ce soir, le club de Bruges reçoit Lommel, une équipe de division 1B. Et Moucron affronte Dessel, un club de D2 amateur. Des pros contre des amateurs, c'est tout le charme de la Coupe de Belgique. Mais pour équilibrer un petit peu les choses, l'Union Belge a procédé à quelques modifications. Le club amateur joue systématiquement sur son terrain à lui. Alors ça, c'est pour le principe, mais dans la réalité, c'est plus subtil que ça. On voit ça avec Pascal Chimé. Pour les 32e, 16e et 8e de finale, les clubs amateurs opposés à un club professionnel jouent systématiquement à domicile. Pour autant, et c'est important de le préciser, que les autorités locales le permettent, petit 1. Petit 2, que le stade réponde aux conditions suivantes. Une certaine puissance d'éclairage et un stade d'une capacité de 1500 places. Du coup, sur les 8 affiches opposant des amateurs à des pros, 3 ont été inversées, Charleroi-Bocholt, Wasland-Beveren-Osterzonen et Courtrai-Sprimont. Les dirigeants et joueurs de Sprimont sont d'ailleurs déçus de cette inversion, à cause d'un éclairage légèrement insuffisant pour la Coupe de Belgique, mais assez puissant, et c'est le paradoxe que pour jouer le samedi soir en championnat. Dans le cas de Sprimont, l'équipe va devoir traverser la Belgique et rallier Courtrai en pleine semaine, près de 430 km au total, avec les difficultés que cela implique pour des joueurs amateurs et même pour leurs supporters, pouvoir s'organiser pour prendre congé ou terminer plus tôt au boulot. Du coup, au lieu d'en faire une fête pour le public du Petit Poucet, on fait de ce match presque une corvée et c'est bien dommage pour le charme de la coupe et l'esprit, on repassera. Voilà, Club de Bruges qui reçoit Lommel, une équipe de division 1B, et Moucron qui affronte Dessel, club de division 2 amateur. Cette dernière rencontre sera à suivre en direct sur Vivacité. Pour terminer ce journal, Cyril, on vous emmène en voyage en Corse, ça vous dit ? Ah, Cyril n'est plus là, voilà. L'île de beauté, vous en avez rêvé bien sûr, Cyril. C'est magnifique comme endroit. Mais la voiture et le bateau, ça vous rebute un peu, j'imagine. Ouais, c'est long. Et j'ai fait une fois le trajet en bateau et j'ai pas dormi de la nuit tellement le bateau faisait du bruit. Eh bien, bonne nouvelle pour vous. Sachez que finalement, elle est pas si loin que ça parce que sachez qu'une compagnie aérienne, Air Corsica, s'implante à Charleroi. Elle va faire la liaison de Belgique en Corse à partir de mars prochain. Mais Air Corsica, en plus, c'est pas une compagnie low cost, mais. La question qui se pose, c'est pourra-t-elle faire concurrence à Ryanair qui effectue déjà cette liaison ? Eh bien oui, selon Jean-Baptiste Martini, le directeur commercial d'Air Corsica, on l'écoute. Lorsque vous prenez le produit d'appel à 39 euros, que vous y ajoutez un bagage avec le prix qu'il peut avoir chez d'autres opérateurs, lorsque vous y ajoutez la possibilité de modifier ce billet avec le prix qu'il peut avoir un opérateur, chez nous ça reste 39 euros et donc forcément c'est compétitif. Le premier vol prévu en mars 2017, programme de base, 2 vols par semaine vers Bastia et Ajaccio. Voilà, comme prévu Cyril, j'ai terminé par une bonne nouvelle. Ah bah effectivement, ça c'est bien, merci. Défi relevé, vous refaites ça encore demain. Ça peut être une bonne tradition de terminer avec une bonne nouvelle. Vous êtes déjà allé en Corse ? Non, jamais. Non, ah bah vous pourrez alors, parce que c'est franchement beau, c'est magnifique comme endroit. Merci beaucoup Simon, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. Alors là, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles ou pas ? Non, désolé, excusez-moi, moi je suis là pour les mauvaises nouvelles. Super, avec, merci. Ah bah oui, écoutez, je suis bien accueilli en plus. Ah bah oui, écoutez. Dites-nous, par où il ne faut pas passer du coup ? Bien sûr, le ring de Bruxelles, on a un accident qui s'est produit en circulation intérieure à hauteur de Grand Bigard. Ouvrez l'œil puisque c'est la bande centrale qui est neutralisée en direction de Zaventem. Dans Bruxelles, vous le savez, une manifestation a lieu en ce moment. Tunnel cinquantenaire, Loire, arrière ce centre et joyeuse entrée fermée en direction du centre. Toutes les perpendiculaires à la rue de la Loi, les voies d'accès au rond-point Schumann sont également fermées. Donc évitez vraiment ce secteur si vous le pouvez. Pour le reste, eh bien, simplement un accident sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur d'Albeek, chaussée fermée au moins sur une voie en direction de la France. Vous perdez une vingtaine de minutes. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant ? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider-d'investir. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Je sais pas pourquoi aujourd'hui cette musique elle me donne envie de danser. Faites-le aussi dans la voiture. Bienvenue tout le monde. Nouveau 5 à 7 jusqu'à 19h. On va en faire des choses ce soir. Déjà, on va vous donner une news people dans un instant. Alors c'est rare qu'on ouvre l'émission avec ça, mais là c'est un cataclysme dans le monde des people. Je vous en parle dans quelques petites secondes, ne bougez pas. On s'intéressera aussi à vos webcams. Est-ce que vous avez une webcam sur votre ordinateur ? Si jamais c'est le cas, le patron du FBI en personne, c'est pas n'importe qui, a une recommandation à vous faire. On y revient avant 17h30 dans ce 5 à 7. On parlera d'une vidéo qui fait énormément le buzz aussi depuis ce week-end. C'est en triathlon que ça se passe et ça concerne la solidarité entre frères. Thibaut Deplanque viendra nous parler de ces très belles images dans quelques minutes, en tout cas de ce gros buzz qui voilà, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. À propos de buzz, il y a cette image de, on va le dire clairement, cette image de Zizi, hein, c'est ce dessin de Zizi qui fait un énorme buzz. Ça se passe à Saint-Gilles et cette fresque, on y reviendra dans l'image du jour avec Ophélie Fontana avant 19h. Il y a une maison qui est à vendre. Alors, c'est pas que vous allez peut-être l'acheter parce que bon, c'est pas à côté non plus, mais cette maison, vous la connaissez, vous l'avez vue dans le film Harry Potter. C'est la maison dans laquelle Harry est accueilli par ses parents adoptifs. Eh bien, cette maison, elle est à vendre et le prix est complètement dingue. On y reviendra tout à l'heure, on s'intéressera aussi au fait de savoir si une maison qui passe au cinéma est d'office beaucoup plus chère. Peut-être que vous avez déjà rêvé d'aller dans certaines villas que vous avez vues au cinéma ou dans des séries. Et à ce propos, dites-moi par SMS au 3063 pour 50 centimes le message, s'il y a déjà une maison, une villa ou une, je sais pas moi, un endroit particulier dans une série, dans un film qui vous a fait rêver et vous vous êtes dit, tiens, bah, j'irai bien m'installer là-bas. 3063 par SMS pour me le dire et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. On a tout ce qu'il faut pour démarrer ce 5 à 7. Bah, c'est parti jusqu'à 19h. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi ? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Vivacité La Une présente l'Eneco Tour du 19 au 25 septembre. Qui succédera à Tim Wellens ? Les contre-la-montre, les sprints bonification ou l'ascension du mur de Grammont seront-ils décisifs ? Venez encourager vos favoris sur le parcours ou vivez l'Eneco Tour en direct sur La Une. L'Eneco Tour, le cyclisme en fête du 19 au 25 septembre. Cité présente Amir en concert le vendredi 16 décembre à la Madeleine à Bruxelles. Une soirée festive avec la nouvelle étoile de la scène française à vivre en live. Tickets via livenation.be. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin ? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi ? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça ? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 euros et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Aulieu-Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche, de 14 à 17 heures, dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or, à Aulieu-Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Besoin de changer vos châssis ? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. Profitez maintenant de l'action automne, des milliers de carrelages à petit prix. Point B1. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Et pour démarrer cette émission aujourd'hui, il faut absolument, Dominique, que vous nous parliez d'une news, un cataclysme chez les people. C'est rare qu'on ouvre l'émission avec ça, mais là, ça vaut le coup, Dominique. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? C'est une bombe à Hollywood, vous ne devinerez jamais quoi, Cyril. Bah non, Angelina Jolie et Brad Pitt se séparent. Non ! Et voilà, patatras, c'est fini, selon le site TMZ, qui relaie l'information qu'on peut voir sur les différents sites info cet après-midi. Angelina Jolie a demandé le divorce. Les papiers ont été déposés lundi devant le tribunal. Et c'est vrai que le site TMZ est en général bien informé. Et le site précise que c'est un conflit au sujet des enfants qui aurait provoqué la séparation du couple. Ils ont 6 enfants, hein, Angelina et Brad. Et Angelina n'aimerait pas les méthodes d'éducation de son mari. Donc voilà. Ça c'est pour ça là. Qu'il divorce. Après, il est allé voir ailleurs aussi, hein, quelquefois. Mais d'après TMZ, il n'y a aucune troisième personne impliquée dans cette séparation. Donc, comprenez, pas d'amant, pas de maîtresse. C'est juste au sujet des enfants. On n'en sait pas plus pour l'instant. C'est juste qu'Angelina demande la garde des 6 enfants qu'ils ont eu ou adoptés ensemble. Elle demande au juge quand même d'accorder un droit de visite à Brad Pitt. Ah, bah elle est bien, elle est gentille. Ça. Donc, on imagine qu'on en saura plus dans les jours prochains. Ça va encore faire pas mal le buzz. Pour rappel, ils étaient mariés depuis 2014. Après 10 ans de relation, et si je me souviens bien, ils s'étaient mariés pour les enfants. Oui, maintenant, ils s'étaient mariés un peu en secret aussi. Hein. Ouais. Ça a été vite fait ce truc-là. Ils se séparent maintenant. Des enfants, on va pas dire à cause, mais au sujet des enfants. Ah bah je me sens mal avec cette news. J'ai l'impression que c'était un couple parfait quand même. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle peut encore faire marche arrière peut-être. Ça me paraît fort. C'est mort, c'est mort. Bon, ben on suivra ce dossier, on verra ce qu'il en est. C'est triste, ça, cette histoire. Merci Dominique. On va rester aux États-Unis tout de suite à 17h23. Mais avec une autre histoire. On va parler du FBI. Le FBI, alors ça s'intéresse pas à Angelina ou à Brad Pitt, mais le patron du FBI vous donne un conseil aujourd'hui, c'est dans l'actu. Il dit que pour se protéger du cyber-hacking et de l'espionnage, il faut poser un ruban d'adhésif sur sa webcam. En gros, cacher la webcam que vous avez intégrée à votre ordinateur. Ça fait un peu peur, ça, quand même, cette histoire. Olivier Bogarde, vous êtes commissaire à la Computer Crime Unit de la PJ de Bruxelles. Bonsoir, Olivier. Est-ce que vous êtes là, Olivier ? Olivier, on a un petit problème de standard. Olivier n'est pas là au téléphone. Il va être là avec nous dans quelques minutes sur Vivacité. Mais ça fait quand même peur, cette annonce du FBI. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez une webcam habituellement chez vous, ou en tout cas intégrée à votre ordinateur, et si vous êtes du genre à la cacher ou pas. Vous pouvez me le dire par SMS. Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que vous pensez que quelqu'un va s'introduire chez vous, pouvoir visualiser chez vous ce qui se passe si jamais votre webcam n'est pas cachée? Perso, moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un vienne voir. Il n'y a pas grand-chose à regarder. En tout cas, quand je suis derrière mon ordinateur, à part un gros plan sur ma bête tête. Mais vous pouvez me le dire par SMS au 30 63. À propos des SMS qui arrivent cet après-midi, on parle des endroits qui vous font rêver dans les films, dans les séries. Est-ce qu'il y a une maison en particulier qui vous plaît, où vous sentiriez bien? Je vous en parle cet après-midi parce que il y a la maison dans laquelle Harry Potter est accueilli par ses parents adoptifs au cinéma, qui est à vendre. On y reviendra tout à l'heure. Mais un point sur vos messages. Il y a Dominique de Malempré qui dit « Moi, mon rêve, c'est d'acheter la gendarmerie de Saint-Tropez. » Ah ben oui, je pense que ça devient un musée, si je dis pas de bêtises. Je crois que prochainement, ce sera ça. Moi, la maison qui m'a fait rêver et qu'on s'est offert, c'est celle du film de notre vie, Ma petite femme et moi. C'est Fredo de The Game qui dit ça. Oh, qu'est-ce que c'est joli, ça. Fredo, c'est pas la première fois qu'il envoie un message. C'est un petit romantique, Fredo. Il y a Eric. On va essayer d'appeler Eric. Eric, il dit « Eh bien, moi, j'ai été au Camping Paradis cet été. » Ah bah ça doit être sympa. Se retrouver vraiment dans le décor du film, c'est plutôt sympa comme idée. Ça doit être un bon décor. Dans la suite de ce 5 à 7, dans quelques minutes, soit on arrivera à rejoindre Olivier Bogart qui nous dira si c'est bien ou pas de cacher sa webcam, s'il y a un vrai risque ou pas. On parlera aussi des buzz, la vidéo buzz sport du week-end, elle concerne le triathlon et la solidarité entre frères. On sait que le sport c'est des beaux efforts, c'est un dépassement de soi et puis c'est des belles images parfois. Il y a une vidéo qui fait un énorme buzz. On y reviendra dans quelques minutes sur Vivacité. Et puis forcément l'image du jour aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi, c'est cette fresque, un pénis qui a été dessiné sur un mur à Saint-Gilles. Tout le monde en parle aujourd'hui, on y reviendra dans l'image du jour avec Ophélie Fontana. Tout ça et bien plus de choses encore, c'est dans la suite de ce 5 à 7, une petite pause et puis on revient juste après. Et puis bougez pas, il y aura des cadeaux aussi à gagner, un vélo électrique d'une valeur de 1 000 €. Je vous réexplique tout dans un instant. Vivacité présente les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue à Volubilis. Cirque contemporain, danse, acrobatie aérienne, jonglerie, théâtre de rue, plus de 70 spectacles à découvrir, mais aussi un immense village vert, la rencontre des créateurs et des animations pour toute la famille. Un événement gratuit les 24 et 25 septembre. Volubilis.be. Vivacité présente Éric Antoine, Magique Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 2015. En télé sur la une. On peut savoir ce qui se passe là? Votre femme est arrêtée pour meurtre. Je vous assure que je suis innocente, j'ai pas tué cet homme. Elle arrête pas de dire qu'elle est innocente. On m'a piégée, y'a pas d'autre possibilité, d'accord? Faut à tout prix prouver que c'est un coup monté. Comment se disculper quand tout nous accable? Innocente, votre nouvelle série inédite, mardi soir sur la une. Pendant les Audi Days, tout est exceptionnel. Les conditions sur l'Audi Q3 sont exceptionnelles. Le sentiment de liberté qu'elle dégage est exceptionnel. Exceptionnel aussi, le système BSI. Boost de sensations irrationnelles. Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi Q3 super équipé à partir de 31 450 euros ou 229 euros par mois en personnel lease. Infos et conditions sur Audi.be et chez votre distributeur Audi. Salut, c'est Hip et j'ai une grande nouvelle. Cette semaine dans votre hypermarché Carrefour, offrez-vous une Opel Corsa en leasing privé pour bam 178 euros par mois, tout compris. Plus d'infos sur directlease.be. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Au soleil ou à la neige? Lâchez-vous. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et avec Anne qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Anne. Anne, est-ce qu'elle est là? Décidément, on a des problèmes avec le téléphone aujourd'hui, mais c'est bien. Là, j'ai l'impression d'être au milieu d'un océan avec un petit bateau, voilà, une petite embarcation et deux rames, mais qui sont lourdes à porter. Espérons que juste après les titres de 17h30, tout refonctionne. On va essayer de rejoindre Olivier Bogarde. Je vous ai promis qu'on parlerait dans quelques minutes de cette recommandation du directeur du FBI pour se protéger du cyberhacking et de l'espionnage. Il faut cacher sa webcam sur son ordinateur. On va y revenir dans quelques minutes, juste après les news de 17h30. Les titres de l'actu, tout de suite, c'est avec Simon Gérard. Non au TTIP, des milliers de manifestants défilent pour dire non au traité de libre-échange Europe-États-Unis. Si vous devez quitter Bruxelles, prenez votre mal en patience, car plusieurs axes sont fermés à la circulation. Une victoire de plus pour les étudiants de médecine. La justice leur a donné raison aujourd'hui concernant le concours de fin de première et les numéros INAMI. Le tribunal des référés de Namur autorise les reçus collés à s'inscrire en deuxième. Pas de grève générale le 7 octobre prochain, la FGTB renonce. Il y aura tout de même des actions ciblées pour le deuxième anniversaire du gouvernement Michel. Les relevés téléphoniques ne collent pas avec la version de Bernard Westphal. C'est l'enseignement qu'on peut tirer de la deuxième journée du procès de l'ex-député pour le meurtre de Véronique Piroton. Bernard Westphal, pour rappel, soutient la thèse du suicide de sa compagne. Merci Simon. Prochain point sur l'actu, c'est à 18h sur Vivacité. Il est l'heure de tout savoir sur la météo. On retrouve Dominique. Quel temps va-t-il faire ? Une nuit étoilée en perspective sur la plupart des régions. Peut-être pas dans les vallées du sud, là où on nous prévoit du brouillard. Mais au niveau des températures, ce sera 11 à 13 degrés. Puis demain, après la dissipation de la grisaille, le ciel devrait être partout assez ensoleillé. Du coup, les maxima vont remonter entre 16 et 22 degrés. Jeudi, il fera encore sec, mais les nuages vont s'épaissir au fil des heures et on peut s'attendre au passage d'une zone pluvieuse à partir du littoral en soirée. Maxima toujours stable, compris entre 17 et 22 degrés. À 17h31, quelle est la situation sur les routes ? On va le savoir tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info avec Antoine Bidamé. On a deux accidents sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure. Dans les deux cas, le premier à hauteur d'Oularc, bande de gauche neutralisée, le second à hauteur de Grand Bigard, bande centrale neutralisée vers Zaventem. Au niveau des temps de parcours, Carrefour Léonard au titre en circulation intérieure, 25 minutes perdues et Zaventem Grand Bigard en extérieur, vous perdez une vingtaine de minutes. Vous le savez, le cortège a démarré pour la manifestation. Les tunnels cinquantenaires Loire-Hiers-Centre et Joyeuse Entrée sont fermés à la circulation en direction du centre, ainsi que toutes les perpendiculaires à la rue de la Loi, ainsi que l'avenue des Arts entre les rues Guimard et Loi qui sont actuellement fermées. Pour le reste de la circulation, un véhicule en panne sur la 600 de Chesnay-Lonsin, hauteur d'Avroy-Laveu, bande centrale neutralisée, vous perdez 25 minutes vers Lonsin. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. À propos de la semaine de la mobilité, ben là on est en plein dedans en Wallonie. Là. Vous allez repartir avec un magnifique cadeau. Toute cette semaine, je vous offre un vélo électrique d'une valeur de 1000 euros. Vélo électrique, enfin, il fait pas tout seul. Faut quand même démarrer un petit peu, faire semblant de pédaler un minimum. Et après, hop, il est parti, il va vous conduire où vous voulez. Tout ça, c'est très écologique et pas trop fatigant. C'est pour vous, si vous le voulez, ce vélo d'une valeur de 1000 euros. Vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez mobilité par SMS au 6003 pour 75 centimes. Le message. En la suite de ce 5 à 7, un invité qui sera là tout à l'heure. C'est vrai que vous l'entendez d'habitude sur Vivacité, le vendredi matin plutôt, dans le 8-9. Et bien tout à l'heure, Jean-Luc Fong sera l'invité de ce 5 à 7. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas que des chansons, il a écrit un livre, Les hommes préfèrent les grottes. Et si vous voulez vous marrer, vous allez vraiment passer un bon moment. On y revient dans quelques minutes. On parlera de sport aussi avec Thibaut Deplanque dans quelques secondes. Et cette vidéo de deux frères en triathlon, qui voilà, cette vidéo qui fait le buzz tout simplement, mais à 17h33, on va chez Eric Danguien qui est là au téléphone. Bonsoir Eric. Bonjour Cyril. Ah, vous êtes le premier que j'ai au téléphone ce soir, ça me fait plaisir, ça refonctionne. Vous avez passé une bonne journée Eric ? Ah bah écoutez, je viens de rentrer donc tout va bien. Ah, vous avez fait quoi comme boulot ? Oh, moi je vends des médicaments. Ah, ça va, vous les vendez, faut pas les prendre, hein. Pas trop de médicaments, c'est pas bon pour la santé. Oh, j'en prends de temps en temps. Ah, bah, pas trop quand même, hein. Eric, si vous êtes là, c'est pour parler destination vacances, parce que je le disais, on y reviendra d'ailleurs dans quelques minutes, la maison dans laquelle Harry Potter est hébergé par ses parents adoptifs est à vendre. Je vous en reparle dans quelques minutes et on se dit, tiens, quelles sont les maisons, les endroits paradisiaques qu'on voit dans les films, dans les séries qui nous font rêver, où on se sentirait bien pour y vivre. 3063 par SMS, vous avez envoyé un message justement qui concerne quel film, vous ? Camping Paradis. Ah, les flots bleus, c'est ça ? Non, comment il s'appelle? Ah, ça, je sais pas. Moi, c'est Camping Paradis, il s'appelle. Ah oui, les flots bleus, c'est dans Camping Paradis, c'est avec Laurent Ronac et tout ça. Il est où, ce camping? Eh bien, il est dans les Calanques, entre Marseille et Martigues. Et vous avez passé des bonnes vacances, là-bas? Mais écoutez, mes filles, elles m'ont trouvé ça à Pâques. Elles m'ont dit, papa, on va aller en vacances, on a regardé. Et en fait, il faut savoir, Camping Paradis, c'est trois endroits différents. Ah ouais? C'est la plage. D'accord. Qu'on voit, il y a un camping au-dessus qui n'a rien à voir avec la série. Et ouais. Il y a un petit 800 mètres de là, il y a un autre camping où ils font les tournages avec les bungalows. Ah bah c'est drôle ça, parce qu'on nous fait croire que c'est un seul endroit, mais même pas, on nous arnaque. Ah non, même pas. D'accord. Et il y a même un camping fictif qui existe pas du tout, mais qui est là, qui existe avec les enseignes Camping Paradis, ouais. Les belles les petits cabanons bleus, etc., où ils font les tournages de la cafétéria, du magasin, etc. Mais ah c'est très beau. Vous venez de nous apprendre un truc là. Voilà. Mais c'était sympa. Et vous y retournerez? Ah ben je vais vous dire honnêtement, d'après ce que j'ai compris, on y retourne l'année prochaine. Ah, parce qu'en plus c'est les filles qui font la surprise. Ah ben écoutez, quand vous avez des ados, bien souvent vous craquez. Hein. Bah je comprends bien. Ben merci Eric. Alors vous pouvez donner le nom du village exactement où ça se trouve, ou bien c'est secret, vous voulez le garder que pour vous? Ah non, absolument pas. Alors le nom du village, ça s'appelle La Couronne, c'est à côté de Saucé-les-Pins. D'accord, ben voilà, comme ça on sait qu'il y a un bon plan vacances par là-bas. Ouais. Si j'ai un conseil à donner, de ne pas aller dans le camping où il tourne, mais d'aller dans le camping où il y a la plage. Okay. C'est beaucoup mieux là-bas. Eh ben voilà, le message est passé. Voilà. Merci pour le bon plan vacances, Eric. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. À vous aussi. Au revoir. Quel est l'endroit dans un film ou dans une série qui vous fait rêver ou vous sentiriez bien pour y vivre? 3063 par SMS pour me le dire, c'est 50 centimes le message, ou alors sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Une idée importante? Ne la laissez pas s'envoler. Écrivez-la sur une note super sticky post-it. Construction, perfection, habitat. Week-end portes ouvertes, c'est 24 et 25 septembre. Découvrez une nouvelle maison perfection habitat, rue Joseph Wauters, à Crisney. Construction, perfection, habitat. Une exclusivité, Étienne Piron. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. J'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Un appartement deux chambres entièrement équipé à partir de 185 000 euros hors TVA et frais à City Docks. City quoi? City Docks DOX, un quartier nouvelle génération aux portes de Bruxelles. City Docks, pavillon de vente ouvert à partir du 22 septembre. Du studio aux trois chambres. Profitez de conditions exceptionnelles de lancement. Citydocks.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Viva. 17h-19h, 5 à 7 sur Vivacité. De 17 à 19h, c'est le 5 à 7, et du 8 à 9, bah c'est le 8-9. Et demain, Benjamin Maréchal recevra David Thibault et il parlera de son premier album. Alors David Thibault, vous l'avez déjà vu à la télé dans The Voice en France. Il était arrivé en finale, c'était face à Lilian Renault il y a quelques années, et vous n'êtes pas passé à côté de son timbre de voix qui est proche quand même de celui d'Elvis Presley. En gros, on peut le décrire comme ça. Donc demain, Elvis ou David Thibault, enfin les deux en lui-même, seront réunis demain dans le 8-9 avec Benjamin Maréchal et toute l'équipe. Je vous parlais de David Thibault, maintenant c'est Thibault de Planck. Voilà, c'est, la transition est bien faite. Tout Thibault, trouvé, bien bonsoir. Trouvé. Bonsoir, comment allez-vous? Bah, ça va super, on va parler de sport avec vous. On s'intéresse au triathlon, parce que les championnats du monde de triathlon avaient lieu la semaine passée au Mexique. Oui, exactement, et vous savez certainement que le triathlon, c'est ce sport qui est composé de la natation, du cyclisme et de la course à pied. Je vous apprends rien, là Cyril. Mais aujourd'hui, on va surtout s'attarder sur la dernière épreuve, donc la course à pied, et plus précisément sur les derniers mètres de la course qui a eu lieu ce dimanche. Est-ce que vous avez vu la vidéo qui a circulé depuis lundi? Ça fait véritablement le buzz sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas vu justement. Qu'est-ce que j'ai manqué? Eh bien, c'est une scène assez émouvante. On y voit le Britannique Jonathan Brownlee. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une vraie star de la discipline, une star du triathlon. Il faut savoir qu'il a déjà été champion du monde et qu'il a même gagné la médaille d'argent lors des derniers Jeux Olympiques à Rio. Et donc, ce fameux Jonathan Brownlee a eu une énorme défaillance à quelques mètres de la fin de sa course, de son triathlon. Il a commencé à tituber, à zigzaguer, même alors qu'il avait quasiment la course gagnée. Et il avait trop bu ou quoi? Eh bien non, justement, là, il n'avait pas assez bu. Avec un effort aussi important, fourni sous une chaleur intense au Mexique, eh bien, ça ne pardonne pas. Mais pour en revenir à cette fameuse vidéo, si elle fait le tour de la toile, c'est grâce à son frère, Alistair, qui est double champion olympique en titre. En fait, il était juste derrière son frère et il s'est littéralement arrêté pour porter son frère jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça a presque fonctionné parfaitement. Son frère a effectivement pu finir la course, mais tous les deux ont été dépassés par un Sud-Africain, un certain Schumann. Schumann qui les a donc dépassés sans crier gare. Et ils ont le droit de faire ça? Mais normalement, non. Le règlement indique bien que les triathlètes ne peuvent pas recevoir d'aide extérieure. Et ici, on peut considérer que Jonathan en a reçu une grâce à son frère. Et d'ailleurs, la fédération espagnole a tout de suite demandé la disqualification des deux athlètes. Et c'est assez logique, en fait. Il fallait s'y attendre parce que leur disqualification permettrait à un autre espagnol de devenir vice-champion du monde. Le geste de la fédé ibérique peut se comprendre, mais il est loin, beaucoup moins honorable que celui des frères Brownlee. Est-ce que des gestes de fair play comme ça, on en voit souvent? Ben oui, dans le sport, on assiste régulièrement à ce genre de gestes, à des gestes de fair play, et surtout en athlétisme qui ne déroge pas à la règle. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, on se souvient certainement de Derek Redmond aux Jeux Olympiques de 1992, qui a été victime d'un claquage en finale du 200 mètres dès les premiers mètres de la course. Et là, eh bien, c'était son père qui était venu des tribunes pour l'aider. Et puis, lors des Jeux Olympiques de Rio, deux coureuses de 5000 mètres avaient été prises dans une chute et s'étaient entraidés pour se relever et finir leur course. C'était même l'une des images assez fortes de ces derniers Jeux Olympiques. Oui. Et d'ailleurs, les deux protagonistes, eh bien, c'était une Néo-Zélandaise et une Américaine. Eh bien, elles ont été récompensées par la médaille Pierre de Coubertin, aussi appelée médaille de la sportivité. En fait, c'est un prix qui est donné par le Comité international olympique aux athlètes qui ont montré un véritable esprit sportif. Merci Thibaut pour cette belle image dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Je vais y arriver. Il est 17h42. 5 à 7. Je ne sais pas si vous avez vu le film Harry Potter. Enfin, a priori, oui, personne n'est passé à côté normalement. Il y a une maison dans laquelle Harry grandit. C'est ses parents adoptifs qui l'y accueillent. Et cette maison, aujourd'hui, on en parle parce qu'en fait, elle est à vendre. Elle est à vendre pour une belle petite somme quand même, puisqu'elle coûte un demi-million d'euros, ce qui est plus élevé que les maisons dans le même quartier. Alors, on va en parler de cette maison de film qui est en vente avec Isabelle Jacquemin. Vous êtes repéreuse dans le cinéma. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors, un petit rappel de ce que c'est le métier de repéreuse. Je ne l'entends plus. Est-ce que vous m'entendez, voilà. Isabelle? Ah, mais décidément, entends, oui. La technique n'est pas de notre côté aujourd'hui. Isabelle, donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le métier de repéreuse? En soi, c'est chercher la base visuelle d'un lieu de tournage par rapport à un scénario et une demande d'un réalisateur et forcément une histoire qui va avec. Alors, Isabelle, ici, la maison est vendu à un prix quand même plus élevé que les autres dans le quartier. Est-ce que le cinéma influence réellement le prix de vente? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas comme ça où on a des prix dingues pour des maisons parce qu'elles sont passées dans un film? Je crois que c'est pas si régulier, aussi souvent en tout cas qu'on pourrait peut-être l'espérer. Mais je pense qu'effectivement sur certains bâtiments, peut-être pas forcément du privé ou des villas qui sont dans des agences immobilières, mais plutôt dans des biens plutôt de prestige ou du particulier qui aurait une envie de vente et dans laquelle effectivement on aurait eu des gros tournages avec un peu du people. Je pense que là, il pourrait, les propriétaires ou l'agence immobilière pourrait en tirer un certain profit. Ça pourrait arriver. Mais j'espère que les gens ne sont pas juste arrêtés à ça. Ce serait parfois faut pas un peu ça pour dommage. Ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a des biens qui parfois deviennent intouchables parce que on parlait tout à l'heure, il y avait un SMS qui évoquait la gendarmerie de Saint-Tropez. On n'imagine pas que ce bâtiment soit détruit, soit complètement transformé un jour, par exemple. Oui, bon, effectivement, alors il faut remettre le cinéma et son média dans son époque. Je pense que, bon, effectivement, c'est les gendarmes à Saint-Tropez, pardon. Voilà, effectivement, c'était un peu les débuts du cinéma, les gens, enfin les débuts, qui a une histoire derrière, un grand passé où on en est nostalgique. Bon, le média actuellement, le cinéma est devenu beaucoup plus populaire, donc je pense qu'on est moins peut-être accroché à des histoires et des lieux qui pourraient être nostalgiques à ce jour. Enfin, en tout cas, je ne crois pas qu'on est dans la même relation des choses aujourd'hui. Mais bon, peut-être que ça arrivera ou ça arriverait. Effectivement, l'éditeur, comme je citais juste avant, moi je dirais on a peut-être tiré un certain profit du fait qu'ils sont passés à Namur au musée de Croix, qui est un magnifique bâtiment que les gens peut-être ne connaissent pas, n'auront peut-être pas envie d'aller voir, alors que par le fait qu'il y a eu cet événement-là, ben, ça va générer une nouvelle envie des écoles, j'espère, parce que c'est vraiment très très beau, et des touristes évidemment. Donc oui, ça peut probablement attirer un attrait, intéressant, c'est clair. Ouais. Alors si vous, avec le métier que vous avez, vous avez eu l'occasion de voir pas mal d'endroits, si vous deviez choisir un endroit pour vous y installer, ce serait quoi? On est sur la maison d'Harry Potter ou autre chose? Ah non, moi je cherche la maison au fond des bois, toute seule. Une petite maison en bois et genre mis nulle part. Ça, ce serait mon lieu idéal. Attention, il y a des loups là. Non, pas trop, mais non, ça c'est bon, chacun son petit monde et son petit univers. Eh ben merci en tout cas Isabelle d'être passée ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci. Au revoir Isabelle. Et vous, de l'autre côté de la radio, vous me dites par SMS au 3063, quel est cet endroit dont vous rêvez, l'endroit que vous avez vu dans un film, dans une série, où vous vous sentiriez bien, où vous pourriez vous installer. 3063 par SMS et sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Il est 17h46, petite pause et dans un instant, Philly Fontana me rejoint pour l'image du jour. Vivacité présente Amir en concert le vendredi 16 décembre à la Madeleine à Bruxelles. Une soirée festive avec la nouvelle étoile de la scène française à vivre en live. Tickets via livenation.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Nivelles, portes ouvertes dans notre appartement témoin, c'est samedi et dimanche, de 14 à 17h, à l'angle de la rue Lévesque et de la rue des Déportés à Nivelles. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Bienvenue au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte? À partir de 139 euros par mois? Ah, mais c'est parfait, ça! Bien, monsieur, vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors, c'est la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ben oui, déchaînez-vous. Pierre rejoint sa toute nouvelle Seat Ateca les mains chargées de courses. Max, son fils, se précipite pour l'aider. J'ouvre le coffre, pas ? Laisse, je vais le faire avec mon pied. Les voici maintenant sur la route. Attention, pas, il y a une voiture qui nous dépasse, là. T'inquiète, mon rétroviseur m'a déjà prévenu. Arrivé dans leur rue, Max lui dit... Là, regarde une place, ça va aller ? Demande à ma voiture, elle se gare toute seule. Bon, si ta voiture fait tout, je peux la conduire. Ah, c'est ça. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. Tu veux mon zizi? Oui, oui, oui, oui. Je vais te le donner, oui, oui, oui, oui. Tu veux mon zizi? C'est pas moi qui ai choisi, c'est Ophélie Fontana. Bonsoir Ophélie. Mais vous êtes vraiment un gros menteur. C'est pas vrai, c'est vous qui venez parler de l'image du jour. Vous me dites, on va parler de la fresque qui fait tant parler à Saint-Gilles, justement. C'est l'image d'aujourd'hui. Ben oui, exactement. Imaginez un sexe masculin, un pénis, un zizi, une verge. Enfin, vous, je sais bien que vous l'appelez Popol, mais bon. Ah bon. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis mal informée? Ben oui. Mais ça, attendez. On va s'arrêter deux secondes là-dessus. Est-ce que je vais prendre Guillaume qui travaille aussi sur cette émission. Guillaume, est-ce que vous donnez un nom à votre engin? Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai que Popol est souvent utilisé. Hein. Et Cyril, je vous ai déjà entendu. Mais vous, est-ce que vous utilisez cracher Popol parfois quand vous allez de toutes des choses comme ça. Mais n'importe quoi. Est-ce que vous donnez un nom à votre truc? Prince Popol. Moi, je donne toujours une petite interpellation. Ophélie, vous donnez un. Enfin, vous n'en avez pas, mais. Non, mais... Bah on donne pas de nom, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Certaines personnes, oui. Oui, bah dites-moi, 3063 par SMS, mais moi je donne pas de nom au bazar. Vous voyez, comme ça au moins, ça lance de grands sondages de fond. Comme ça. Bah 3063, si vous donnez un nom à cet ustensile, vous nous le dites. Bon, on va donc revenir à cette fraise. Donc imaginez un sexe masculin géant sur un mur de Saint-Gilles, donc c'est en région bruxelloise, un sexe au repos, pour la précision, comme ça vous visualisez bien, sexe au repos en noir et blanc. Ouais. Mais donc voilà, sur un mur en plein centre-ville, ça ne passe pas inaperçu. Ah bah c'est sûr, ça se voit, ouais. Alors c'est apparu le week-end dernier, on ne sait pas trop quel jour exactement, à un moment quelqu'un s'en est rendu compte, donc ça veut dire que ça a été peint en une seule nuit, donc on peut quand même en tout cas saluer la prouesse technique de réaliser cette fresque géante en quelques heures à l'abri des regards finalement, donc ça c'est quand même assez étonnant. Vous savez, c'est peut-être comme à l'école maternelle, on trempe sa main dans la peinture et puis on appuie sur une feuille, ça dessine, peut-être que là c'est quelqu'un qui l'a fait... Ouais, je sais pas. C'était très grand en tout cas si c'est ça. Qui a dessiné ça, on sait? Voilà, ça justement c'est le mystère, sinon je vous l'aurais déjà dit jusqu'ici. On ne sait pas, donc on ne sait pas exactement quand ça a été fait, personne ne l'a vu, on ne sait pas pourquoi. À un moment, la rumeur circulait surtout sur les réseaux sociaux, parce que imaginez avec ce genre de fresque, ben, ça part un peu dans tous les sens sur les réseaux sociaux, sur Facebook, oui, on essaye de trouver. Donc à un moment, on pensait que c'était Bonhomme, qui est un graffeur assez connu, il dessine souvent comme ça sur les murs des villes, avec peu de couleurs, donc ici on est face à un dessin en noir et blanc justement. Et bien voilà, on a directement contacté l'artiste, la rédaction de la RTBF a contacté l'artiste Bonhomme, il a dit que c'était pas lui, donc voilà. Oh bah, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai, on est sûr que c'est pas lui. Bah, ici... En tout cas, il dit que c'est pas lui, on peut pas le forcer à dire que c'est lui. Oui, mais il ne peut pas dire que c'est lui parce qu'il peut avoir des problèmes derrière. Bah, moi, je sais pas, moi. Voilà, c'est peut-être finalement un coup de pub. Un jour, dans quelques jours, on nous dira peut-être que c'est une campagne de pub. Je sais pas, moi, une nouvelle campagne pour le préservatif, j'en sais rien. Ah oui, c'est vrai, ça pourrait. Je sais pas. On va peut-être le retrouver recouvert dans pas très longtemps. Voilà, il y aura peut-être une deuxième couche de peinture qui va arriver. On va voir. Ça devient en tout cas une affaire quasiment politique. Bah oui, puisque vous imaginez bien, il y a des gens qui passent devant, qui s'en foutent un peu, qui n'ont pas d'avis, mais il y en a qui sont choqués. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans. Voilà, c'est ça, justement, juste en face, il y a l'Institut des filles de Marie. Ah. Donc imaginez que certains petits enfants puissent être choqués. Et donc voilà, le CDH fait bien référence à son PSC d'avant, le PSC très chrétien. Et voilà, un élu local du CDH veut porter l'affaire au conseil communal carrément. Mais pour l'instant, les élus communaux là-bas sont un petit peu embêtés. Ils se disent, nous, on n'a pas envie de prendre de risques. On ne sait pas qui a fait ça. On ne va pas aller mettre des ouvriers communaux en hauteur pendant plusieurs heures pour aller nettoyer cette fresque. C'est dangereux, il pourrait tomber. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? En plus, on peut le refaire juste après, si ça a été fait en une nuit. Voilà, alors, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, c'est que soit le propriétaire du bâtiment sur lequel a été dessiné ce zizi géant va peut-être décider lui-même de faire appel à des services et le nettoyer, mais va devoir payer lui-même, c'est à mon avis assez coûteux, c'est pas de faire disparaître cette fresque. Ou alors, dans quelques jours, l'artiste va va dire ben voilà c'est moi et acceptera à ses frais j'imagine de le faire nettoyer. Donc ça il faudra, c'est une histoire à suivre en fait. C'est ça un bien. Gros dossier, toute on la rédaction de l'RTB est fait dessus. Ah ouais, là on est dessus. Il y a d'autres fresques qui posent problème, il y a d'autres dessins dans le genre. Bon, en tout cas il y a un autre fait troublant, c'est que dans le centre de Bruxelles cette fois, donc pas dans une commune de Bruxelles mais vraiment au centre-ville rue des Poissonniers, il y a une autre fresque qui est assez ressemblante et là ça illustre une pénétration, donc c'est aussi une autre fresque à caractère sexuel qui est apparemment apparue aussi ce week-end. Donc voilà, il y a des similitudes. Là aussi, on ne sait pas qui a fait cette fresque. Donc voilà, j'ai envie de dire, le mystère reste entier et on est vraiment sur le coup, je vous le dis. Mon avis, on pourrait en reparler. Ça pourrait refaire une deuxième image du jour. Vous revenez quand vous voulez. C'est peut-être le Mannequin Peace, le papa du Mannequin Peace qui est en train de se faire remarquer parce qu'on parle tout le temps du petit garçon, mais peut-être qu'il y a plus grand que lui, vous voyez. Moi, j'y ai pas du coup, pensé, est en train ça. De se faire. Ah bah. Moi, franchement, je préfère pas avoir d'avis, hein, parce que c'est le sujet vous est sensible. Vu ou pas elle est sur vivacité.be. Oui, je l'ai vu. Elle est sur le site de l'RTBF, sur le site de Viva. Bah, c'est pas spécialement beau, hein. C'est pas très beau. C'est effectivement, c'est pas. Bon. Enfin, de toute façon, globalement, c'est pas très très beau. Un petit mot sur les noms. Sincèrement, je pensais pas que vous alliez autant envoyer des messages à ce sujet-là. On nous parle de Big Beer. Alors, il y a Romuald, lui, dit qu'il va faire Brère le gamin. Ah, ça je connais. On est dit Princesse Sophia. Moi je l'appelle Popol Anaconda. J'ai deux noms, Arthur le dur et Zizou le mou. Olivier qui dit ça. Léo, oui c'est Caroline. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ma maîtresse, elle l'appelle Guapito. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Fred de Ciné qui nous dit ça. Bah, continuez, 3063 par SMS. Oui Cyril, il ne faut pas être gêné, tout le monde a un surnom. Non, sincèrement. Chez vous, c'est quoi le surnom? Moi, il n'y en a pas. Ah ben, tout le monde a un surnom. Mais beaucoup de gens, voilà. Donc ne soyez pas mal à l'aise. Elle n'ose pas le dire, tout simplement. Non, mais vraiment, il n'y en a pas. Je ne vais pas inventer un surnom, non. Bon, je vais chercher. Ah, maintenant, ce sera Popol. Voilà. Merci, Ophélie. Il est 17h54. Voici le cactus de Jérôme de Warzé. Jérôme, la NVA a donc évincé du parti deux de ses députés, Hendrik Veuille et Verle Wouters, qui ont critiqué Bart De Wever. Mais oui, Benjamin, parfaitement, il lui reproche de privilégier la reconduction de la Suédoise au détriment du communautaire. Alors, monsieur De Wever, vous êtes là, bonjour. Goeiedienstdag, alle Bart en alle Gordel. Décidément, rien vous fait rire, hein, vous les francophones. C'est pathétique, hein. Déjà que les Wallons ne votent plus que pour le PTB. Dites, les Wallons ne votent pas tous pour le PTB. Mais bien sûr qu'il y a, hein. Maintenant, c'est bien. C'est cohérent. Nous, on nous prête des petites acquaintances avec Adolf Hitler et on nous traite de nazis et tous les Wallons votent pour Ed Debout, un type qui a un poster de Staline dans sa chambre et on l'applaudit, proficiat. Monsieur De Wever, votre amalgame avec le PTB et Staline, excusez-moi, mais là vous allez un peu fort. Mais ça ne me dérange pas. D'ailleurs, bientôt le PTB, il fera plus de voix que le MR. Et alors fini la Suédoise, on fera la Moscovite. Ah bon. Alors les deux députés de votre parti vous ont donc lancé vertement. Hein. Bah, j'aurais dû me méfier. Une femme et un député de la grande NVA qui est prof en Namur. Hein. Allez, lui, ça c'est un espion au minimum. Enfin, mais vous délirez. Et en plus, j'ai des preuves. Ah ben, je serais ravi de les entendre. Je l'ai vu boire du piquet au fait de Wallonie. Oh là là. Déjà, le coup du piquet, on peut l'exclure à vie, mais alors se rendre à ces beuveries paysannes pour y consommer ce poison wallon en chantant la Kleine Gaiole avec Jali et Suarez. Moi, je vous le dis, Hendrik Veuille sera écartelé demain sur la place communale d'Anvers par quatre bons gros chevaux de la Bourlin bourgeois. Enfin, mais c'est complètement disproportionné. Et vers le Water, ça le. Mare, mevrouw Water, c'est là depuis bien longtemps à la NVA. Hein. Et je suis respectueux de ça. Je serai magnanime. Elle sera juste excisée à vif. Enfin, monsieur De Wever, c'est pas parce qu'elle met une pierre dans votre jardin que... Ah, vous avez raison. La lapidation, c'est mieux. Mais non, mais... Et comme le disait mon estimé collègue Jean-Marie De Pen, œil pour œil, œil pour œil. Et qu'elle soit encore contente que je lui fasse pas écouter les discours de Paul Magnette en boucle, hein, cette collaboratrice, c'est ce qui me différencie de la bête furieuse. Ne traitez pas ces députés de collaborateurs. Hein. Dites, ça va, hein, je sais de quoi je parle. Hein. Oui, c'est vrai. Les plus faibles, on les écarte. Comme Galon et Maire, comme Garou à The Voice. Hein, les pommes pourries dans le Veubach. Hein. Meneer Michel. Ah, parce que Charles Michel est là. Oui, maître, que puis-je pour vous servir? Enfin, monsieur Michel, écoutez. À genoux, Charles. Adoube-moi maintenant, Premier ministre. Mais enfin, dites... Oui, maître, je donne mon consentement. Oh, dites Poiré Serreau, c'est fini votre cirque, là. Il est temps que les masques tombent et que la toute-puissance impériale NVA règne sans opposition. Mais ça signifie quoi, ça, en clair? Ça signifie que je vais régner sur mon peuple et sur le territoire de la Flandre. Ah bon? Vous êtes une Flamingen. Vous êtes une supérieure. Nous lèverons une armée. Nous aurons le fer et le feu pour combattre, atomiser et asservir les francophones. Alors, dérive de la Nordsee aux confins du Pajottenland, nous irons conquérir d'autres terres plus fertiles. Rien ne nous arrêtera. Le flamme se lève, sortira ses griffes d'acier pour dépecer l'Europe qui se prosternera devant la puissance de la famille de Weaver. Oui, c'est ça. Et puis nous traverserons les océans sur nos dracars jaunes et noirs. Et tous les envers soient frières. Les louvanistes valeureux, les tirs de Montois, braves, imposeront le néerlandais aux sauvages des États-Unis, d'Australie et d'Orient. Et nous dominerons le Weird en mangeant nos babelutes devant tous les peuples soumis à genoux face à notre empire qui plate-sarmoldira notre nouvel hymne. Tout feu, tout flammes. Arrête ton musique à idiot. Ça n'est pas possible. Il lui faut un médecin urgemment. Hein. Yeah, vous avez demandé un médecin. Magid blocus de la famille numerus clausus. Vous avez mal à votre humérus. Oui, ils sont tous fous ici. Hein. Moi, j'abandonne. Oui, soumets-toi, Nabo Cupide. Allégeance à la famille Envy. Nous te promettons alors un poste à Vétévir et du sexe avec Dame Lisbeth Homel. Tous d'un coup. Bon, allez, enfin, dans ce pays, je vois que ça a l'air beaucoup plus simple d'expulser des députés Envy que l'imam de Dizon. Avec Fabien Lecastel ce matin. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Benji Electrabel. 17h59, voici la météo, Dominique. Avec du brouillard qui va s'installer la nuit prochaine dans les vallées du sud, mais le ciel qui sera étoilé dans la plupart des autres régions, 11 à 13 degrés pour les minima. Demain, après la dissipation de du brouillard, il y aura du soleil partout, une belle journée avec des maxima en légère hausse, 16 à 22 degrés. Merci Dominique. Dans quelques secondes, c'est le journal de 18h qui arrive sur Viva et toujours votre vélo avec assistance électrique à gagner. Vous envoyez mobilité par SMS au 6003, ça vaut 1000 euros. La semaine de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre avec pour thème « Partager la route, on s'y met tous ». Cette année, la Wallonie met le focus sur la combinaison de différents moyens de déplacement. À cette occasion, des familles mais aussi des communes, des écoles et des entreprises se lancent dans des défis mobilité. Pour suivre leurs expériences et découvrir l'actualité de la semaine de la mobilité, rendez-vous sur Vivacité. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Merci d'écouter Vivacité, il est 18h. Les portes de la deuxième année d'études s'ouvrent à nouveau pour eux. Les reçus collés de médecine peuvent s'inscrire à quelques nuances près. Ils avaient réussi les examens mais n'avaient pas été parmi les meilleurs au concours pour les sélectionner. Et une maman d'étudiants réagit dans un instant. Le TTIP nuit gravement à la santé. L'un des slogans dans cette manifestation, en ce moment même à Bruxelles, la rue de la loi est noire de monde. Le TTIP, c'est cet accord qu'Europe et États-Unis tentent de négocier. Nous serons dans la manifestation. Dans ce journal aussi, nous irons à New York pour l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. En sport, début ce soir des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Les clubs de l'élite entrent en piste et Moucron joue ce soir à Dessel. C'est le titre du journal des sports. Le journal sur Vivacité, c'est avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Les cours ont déjà repris et ils vont pouvoir s'inscrire en deuxième année de médecine. Enfin pouvoir s'inscrire. À Namur et à Nivelles, la justice donne raison aux reçus collés. Ils ont réussi leurs examens de fin d'année, mais ils n'ont pas été parmi les meilleurs au concours qui suivait. Pour la justice, si un étudiant a réussi, on ne peut pas lui refuser son inscription. Écoutez la réaction de cette maman soulagée. Je pense qu'on a défendu une cause très juste de jeunes qui sont vraiment très volontaires et qui vont faire des magnifiques médecins parce qu'il y a une solidarité entre eux qui est extraordinaire. Vous êtes la maman. Je suis la maman. Voilà. Alors, vous poussez votre fille, vous la soutenez en tout cas dans un projet qui est un beau projet, un projet d'études, un projet de vie, mais qui reste un projet un peu risqué malgré tout parce que vous avez gagné une bataille, vous n'avez pas gagné la guerre ici en l'occurrence. Est-ce que c'est prudent ? Je suis tout à fait d'accord. Bon, pour les numéros Inami, c'est de ça que vous parlez, je suppose. Ben ça, c'est autre chose. Mais disons que ce que je lui disais, Marie est à moitié française. Donc pourquoi, si elle termine brillamment ses études de médecine, ne pas aller pratiquer en France si on lui refuse tout à fait ici en Belgique? Mais je pense qu'il y a une autre bataille à mener. Ça, c'est clair. On n'est pas les seuls. Et là, je pense que c'est toute la Belgique qui doit s'y mettre. Flamands et Wallons réunis. Des propos recueillis par François-Louis, vous venez de l'entendre, les étudiants n'ont toujours pas la garantie de recevoir un numéro INAMI à la fin de leurs années d'études. Attention, si la décision du tribunal de Nivelles ne s'applique qu'aux 26 étudiants de l'UCL qui avaient intenté un recours, au contraire de celle de Namur qui, elle, est élargie à l'ensemble des reçus collés. La FEF, la Fédération des étudiants francophones, se félicite évidemment de la décision. Elle appelle les universités à prendre leurs responsabilités. L'UNECOF, l'Union des étudiants de la communauté française, réclame elle une communication claire de la part du ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt. Il n'y en aura pas. Le ministre vient de le faire savoir. Les uns négocient et puis les autres manifestent. L'Union européenne négocie le traité de libre-échange avec les États-Unis. Elle s'apprête à signer un autre texte négocié avec le Canada. Mais dans la rue, ça coince. Grande manifestation en ce moment même dans les rues de la capitale. Des manifestants qui veulent faire réfléchir aux conséquences de ces traités. Conséquences sur le commerce, sur l'alimentation, sur le travail. Les organisateurs tablaient sur la présence de 10 voire même 15 000 personnes avec des embarras de circulation à la clé. Dans la manifestation, reportage avec Françoise Berlaymont. Les fonctionnaires européens sortent de leur bureau en costume cravate et se frayent un chemin vers l'entrée du métro. Parmi eux, peut-être, ceux qui négocient ces fameux traités honnis par les manifestants. C'est une société civile européenne coloriée de toutes ses variantes qui s'exprime en discours, slogans, chansons et même parodies avec des humains déguisés en poulets. Si demain le commerce vient à partir des États-Unis ou du Canada, nos emplois vont être fortement impactés et demain, ça sera une Europe de plus en plus pauvre que nous aurons. Parce qu'on veut garder la maîtrise de notre avenir et de celui de nos enfants. Tandis que la Commission européenne dit que ça va créer de la croissance, mais c'est quand même une croissance assez limitée. Le CETA, on nous promet moins qu'un 0,5% de croissance. Et pour ça, éventuellement perdre toutes les normes qu'on a battues dans les parlements nationaux, dans le Parlement européen. Après les discours et une flash mob, tous ceux qui le souhaitent peuvent prolonger leur engagement par une nuit debout. Un reportage signé Françoise Berlaymont. La FGTB renonce à la grève générale du 7 octobre, mais elle prévoit des actions ciblées. Par contre, la manifestation du jeudi 29 septembre en fonds commun est maintenue. Les relevés téléphoniques au cœur du procès de Bernard Westphal cet après-midi à la cour d'assises de Mons. L'accusé avait appelé sa messagerie vocale à 21h30 alors qu'il dit s'être endormi après une dispute avec son épouse Véronique Piroton. Il ne se rappelle pas avoir appelé sa boîte vocale. Bernard Westphal avait aussi envoyé un message troublant à l'amant de sa femme. « Regarde bien maintenant, pauvre homme », a-t-il écrit le soir du drame. Un plaidoyer sur la Syrie et un appel à lutter contre le réchauffement climatique. L'Assemblée générale de l'ONU est ouverte à New York. Et ce double message a été lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Un discours et un testament politique au passage. L'homme prononce son dernier discours devant l'Assemblée générale pour sa session annuelle. Un volet aussi Syrie, puisque le fragile cessez-le-feu a volé en éclats. Il n'existe pas de solution militaire pour la Syrie, a lancé à la tribune un peu plus tard Barack Obama. Daniel Fontaine, vous avez suivi ce discours qui a commencé par un petit couac. Oui, au moment où il devait parler, eh bien Barack Obama n'était pas encore arrivé dans le bâtiment des Nations Unies. C'est donc l'orateur suivant, le président tchadien, qui a pris la parole. Le président américain a pu ensuite prononcer son dernier discours devant l'Assemblée générale, une sorte de bilan dont il a mis d'abord en avant les progrès effectués ces dernières années. Son plaidoyer pour la démocratie et le marché libre a été de pair avec une mise en garde contre la montée d'un nationalisme agressif et d'un populisme grossier. Parmi les dossiers internationaux évoqués par Barack Obama, il a souligné qu'il n'existait pas de solution militaire en Syrie. Il appelle donc à poursuivre les efforts diplomatiques malgré l'échec de la trêve négociée avec la Russie. Le président américain a également appelé à une plus grande mobilisation en faveur des réfugiés. Il y a de nombreux pays, en particulier des pays riches, qui peuvent en faire plus pour aider, a-t-il lancé. Daniel Fontaine, notre envoyé spécial à New York. Qui a osé? Ça, c'est une bonne question. Delphine, qui a osé peindre un sexe géant sur le mur d'un immeuble à plusieurs étages de Saint-Gilles? La fresque est gigantesque, en noir et blanc, dans un quartier très fréquenté, même à quelques pas d'une école catholique. L'auteur de l'œuvre ne s'est pas fait connaître. Et une autre du même genre a fleuri dans le centre de Bruxelles. En tout cas à Saint-Gilles, certains s'amusent, d'autres détournent le regard ou s'agacent. Les réactions sont comme mitigées, écoutez. C'est vraiment inhabituel, mais c'est bien fait. Et vous pensez qu'il faudrait faire quoi maintenant avec ça? Un coup de peinture Il faut le retirer? Oui, quand même. Mais ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises? Ah oui, on ne peut pas le mettre comme ça. Vous n'aimez pas ce dessin? Non, non, non, pas de cette manière. Ça donne une impression mauvaise. C'est moche. C'est pas quelque chose en fait en public. Non, ça ne va pas. Il faut l'enlever. Je trouve qu'il y a moyen de faire autre chose plus beau quand même. D'abord, je ne l'avais même pas vu, donc ça ne me dérange pas. Mais je trouve qu'il y a tellement de beaux dessins qui sont faits sur des pans de murs en ville que je trouve qu'on aurait pu faire autre chose. Il y a plein d'enfants ici. Et devant l'école, pour moi, ce n'est pas bien. Des avis recueillis par Miguel Allo et la commune n'a pas encore pris de décision. Enfin, on peut être marié à l'un des plus bels hommes de la planète et vouloir quand même le divorce. Hollywood en tremble encore, mais selon le site américain It's People TMZ, Angelina Jolie quitte Brad Pitt et demande le divorce. Elle réclame la garde de leurs 6 enfants. Fin d'une idylle qui aura duré 12 ans. Mais oui, quelle triste histoire, Delphine. Et en plus, il y a le New York Post qui maintenant nous dit que c'est peut-être à cause de tromperie avec Marion Cotillard. La femme de Guillaume Canet. Ouais, ça alors fait on aurait deux divorces voilà. dans l'histoire. Mais deux beaux gars quand même sur le marché. Ah, on sent qu'elle est intéressée. Ah ben voilà, bon je rentre à la maison. Oui, ben vous allez aussi avoir des problèmes vous. Il est 18h08, voici un point RTBF Mobile Info. Juste après c'est le journal des sports pour faire un point sur les routes. C'est Pierre Collard-Bovy qui est là, bonsoir. Oui, bonsoir Cyril, bonsoir à toutes et tous. Bien sûr on parle de la manifestation, c'est un petit peu difficile de vous énumérer tout, mais n'allez pas de ce côté-là, en tout cas du côté donc de la rue de la Loi, des tunnels cinquantenaires, ils sont fermés, certains artères sont fermées pour laisser passer le cortège, puis ils sont rouvertes à la circulation après. C'est un peu difficile de suivre tout, mais essayez d'éviter vraiment ce secteur-là. Un accident signalé sur le ring de Bruxelles en extérieur à hauteur de Zaventem. La bande de gauche est neutralisée vers Grand-Bigard. Autre accident impliquant plusieurs véhicules, cette fois sur le ring de Bruxelles en intérieur à hauteur d'Oulart. La bande de gauche est neutralisée. Alors un lit de poule sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de Strombeek-Bever. Faisons que la bande de gauche est détériorée et fermée vers Grand-Bigard, ce qui provoque également d'autres ralentissements. Alors le point sur le ring de Bruxelles. 45 minutes supplémentaires pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 26 minutes pour l'extérieur au titre Carrefour Léonard, plus 23 pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 12 minutes pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre et plus 12 minutes également pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Cuisine Créfer. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfer. Cuisine Créfer, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Vivacité, le journal des sports. On retrouve Thibaut Deplanque et Thibaut, le Standard de Liège, remet son titre en jeu puisque la Coupe de Belgique commence ce soir et demain aussi pour les clubs de l'élite à l'occasion des 16e de finale. Oui, les clubs de Division 1A ont tous été protégés lors du tirage au sort. Tous affronteront donc des équipes de division inférieure comme l'Excel Moucron qui se déplacera ce soir à Dessel Sport, pensionnaire de Division 1 amateur, soit l'ancienne Division 3. Après un succès ô combien important ce week-end en championnat face à Westerlo, les Hurlus comptent bien poursuivre sur leur bonne lancée grâce à la coupe Thierry Luthers. Pour l'Excelsior Moucron, c'est l'heure de la confirmation. Après le succès probant et important samedi dernier à Westerlo, les Hurlus doivent maintenant confirmer en Coupe de Belgique. Focus donc sur ce 16e de finale en terre campinoise face à Dessel Sport, naguère sociétaire de la division 2 et après la réforme du championnat, aujourd'hui co-leader de la division 1 amateur avec 7 points sur 9. Glenn Debout, qui a sans doute sauvé sa tête à Westerlo samedi dernier, ne va pas opter pour une rotation profonde de son effectif malgré la répétition des matchs. Seul le poste de gardien de but est concerné, comme il l'avait promis. L'entraîneur va en effet laisser une chance à présent à Théo Defourny avant de revoir le week-end prochain contre Bruges son titulaire Wagner da Silva et se faire alors une opinion définitive sur le meilleur de ses 3 gardiens. Pour le reste, l'équipe devrait être sensiblement la même que celle qui a gagné au Cueil-Pieux, même si on pourrait être tenté de laisser le jeune Tirpan au repos. Moucron se doit de passer ce tour de compétition, lui qui avait atteint les quarts de finale l'année dernière dans cette même Coupe de Belgique. Et ce match entre Dessel et Moucron débutera à 20h30 et sera à vivre en direct sur Vivacité. Une demi-heure avant cette rencontre, début de l'autre rencontre du jour entre le club de Bruges, finaliste de la dernière édition, et Lommel qui évolue en division 1B. Le Standard, tenant du titre, se déplacera demain à Gael. La finale, quant à elle, aura lieu le 18 mars prochain au Stade Roi-Baudouin. Et si la Coupe commence, la campagne qualificative pour l'Euro 2017 se termine ce soir. Et pour les Red Flames, l'équipe nationale féminine de football. Oui, déjà assurée de participer à leur première compétition internationale de leur histoire, à savoir l'Euro 2017 l'été prochain aux Pays-Bas. Les Belges peuvent terminer première de leur groupe à condition de battre l'Angleterre ce soir. L'Angleterre, 3e nation européenne et 5e nation mondiale. Les Belges sont-elles 26e au ranking FIFA, mais c'était 1-1 là-bas à l'aller. Et ce match, c'est bien plus qu'un match de gala pour l'attaquante des Red Flames, Sarah Youssey. C'est beaucoup plus, je crois que c'est la fin d'une campagne de qualification. C'est marqué ce moment historique qu'on passe là, ça veut dire beaucoup de choses. Et voilà. Ce stade sera quasiment rempli, ça aussi ça va être un fameux événement, mais en face il y a l'Angleterre. Hein. Ouais, c'est une très très bonne équipe, mais ça va nous donner encore plus envie, je pense, de finir ces qualifs en beauté. Et en plus avec un monde apparemment, un monde de fou, donc voilà. On va faire tout, on va tout donner, et on va profiter du moment, et ça va être juste un moment génial, je pense. Sarah Youssey au micro de Lise Burion, coup d'envoi du match à 19h à Louvain. Et sachez qu'il reste encore des places au guichet du stade, on attend plus de 7000 spectateurs. Selon un quotidien allemand, l'UEFA s'apprête à encore verser de l'argent à son ancien président Michel Platini. Et la question va en tout cas être abordée dans les mois à venir par le comité exécutif de l'UEFA. Le montant n'est pas connu, mais il s'agirait d'une somme de plusieurs millions d'euros servant d'indemnité de départ et de retraite. L'Union européenne de football précise aussi qu'elle ne verse plus de salaire aux Français, qui pour rappel est suspendu pour 4 ans de toute fonction liée au football suite à des soupçons de corruption. Une bonne nouvelle par contre pour les supporters des Diables et de Manchester City, Vincent Kompany est prêt à faire son retour à la compétition demain contre Swansea en Coupe de la Ligue anglaise. Les dernières analyses sanguines du défenseur ont révélé qu'il était apte à jouer. Son équipier Yaya Touré, lui, ne jouera plus pour la Côte d'Ivoire. L'ancien joueur de Beveren vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite internationale. Âgé de 33 ans, Touré aura porté 102 fois le maillot ivoirien et marqué 19 buts. En cyclisme, la deuxième étape de l'Eneco Tour proposait un contre-la-montre individuel dans les rues de Breda, aux Pays-Bas. Un contre-la-montre individuel remporté par Roan Dennis qui a bouclé les 9,6 km en 10 minutes et 48 secondes devant le néerlandais Jos Van Emden et l'allemand Jascha Sutterlin. Le premier belge est loin, 25e place pour Oliver Nassens. Et grâce à sa victoire, l'Australien de BMC est le nouveau leader de cette Eneco Tour devant Van Emden et Peter Sagan. Demain, incursion en Belgique lors de la troisième étape entre Blankenberg et Ardoy. Enfin, en tennis, belle perf de Kirsten Flipkens qui a éliminé Kristina Pliskova, récente finaliste de l'US Open. C'était au premier tour du tournoi de Séoul. Victoire en 3-7, 5-7, 6-2, 6-2. Par contre, c'est déjà fini pour Janina Wickmayer à Tokyo. La Belge a été battue dès le premier tour par une joueuse bélarusse issue des qualifications. Défaite 3-6, 6-3, 6-3. Eh ben merci Thibaut pour ce journal des sports. Il est 18h15. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Ce soir dans le 5 à 7, il y a des cadeaux à gagner toute cette semaine. Vous repartez avec un vélo avec assistance électrique. C'est la semaine de la mobilité en Wallonie. Et bah c'est pour vous, c'est cadeau. Suffit de se servir. Vous envoyez mobilité par SMS au 60 03 pour 75 centimes. Le message, bonne chance à vous. On parlera d'une vidéo tout à l'heure qui fait le buzz. Vous l'avez peut-être vu. C'est un orang-outan qui fait un bisou. Alors, il y a une vitre, hein, mais qui fait un bisou sur le ventre d'une future maman. Voilà, il trouvait ça super mignon. Il a fait un bisou. Il a senti peut-être qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait. On va y revenir tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. Puis je vous avais promis un invité, il est arrivé. Alors c'est bizarre, je ne sais pas s'il y a un lien, mais avec Ophélie Fontana, on parle de pénis sur une fresque à Saint-Gilles, on parle de surnoms qu'on les hommes donnent à leurs engins, et voilà que Jean-Luc Fonck arrive. Est-ce qu'il y a un lien? Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir, non il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien? J'entendais l'émission oui. Sur la radio parce que j'étais dans les bouchons avec la manifestation. Ah oui, à Bruxelles c'est compliqué. J'en profite pour dire soir. Bonjour à tous mes petits camarades qui sont coincés dans les bouchons, et j'entendais cette histoire de grosse bite que vous racontiez. C'est ça, bah, elle est impressionnante. Donc, presse, écoute, je suis arrivé ici, j'ai dit, est-ce qu'il y a moyen de voir? C'est énorme. C'est impressionnant. C'est peut-être les extraterriens qui arrivent. Pour tout vous dire, Jean-Luc est rentré dans le studio, il a dit, montre-la-moi. Et donc, voilà, il parlait de la fresque. Il y a eu un petit malentendu, ce petit moment gênant dans ce studio. Jean-Luc, à propos de surnom, vous donnez un petit surnom non. ou pas non, non Non, non, non, bah, écoute. Non, j'en ai, tu sais, c'est comme si tu donnais un surnom à tes genoux. Tu sais, à ton nez, tu dis oh là là, il y a Jean-François qui couille. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mal à Pierre-Paul Jacques, tu vois. Ça pourrait arriver, on ne sait oui, pas. Bah, écoute, tout bah, en tout cas, il y a pas mal d'auditeurs qui donnent des noms. Il y a quelqu'un qui appelle Booknect. Ce que les fans veulent, il peut. Voilà. Pour moi, il s'appelle Résume. C'est mon épouse qui l'a baptisé comme ça. Je l'appelle. Alors là, j'ai pas bien compris. Humone. Humone bien durable. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Marc, il y a quelque chose que j'ai pas saisi. Alors, il y a quelqu'un qui dit le petit Cyril. Pourquoi pas? Ça peut. Voilà, je ne sais pas. Vous le donnez le nom que vous voulez. 3063 par SMS. C'était pas prévu. C'est Ophélie qui est venue avec ça tout à l'heure. On continue à faire le tour des petits surnoms que vous donnez à votre anatomie. Jean-Luc, on va parler d'un livre dans un instant. Oui. Ça s'appelle Les hommes préfèrent les grottes. Oui. Ça sera juste après la pause. D'accord. Dayway Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meis et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meis et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dayway Car Center. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Aulieu-Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche, de 14 à 17h, dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or, à Aulieu-Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé, pour franchir les montagnes les plus élevées, ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés, ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes, ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Shopping. Finir la semaine par un happy weekend, c'est encore un cadeau du Walu et Shopping. Place aux prix d'amis, aux surprises et aux cadeaux. Le plaisir shopping à l'état pur, c'est au Happy Weekend du Walué Shopping. C'est 24 et 25 septembre, dimanche compris. Shopping. Walué Shopping. Chaque samedi dans les clés de l'actu, le soir décode l'information et explique avec schéma et infographie des sujets aussi variés que l'ONU, la mobilité ou le terrorisme. Parents, enseignants ou élèves, les clés de l'actu sont pour vous. En bonus dans le soir de ce mardi 20 septembre, un poster didactique pour mieux comprendre la Terre, ses structures et ses composantes. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Ah oui. C'est tôt le mardi pour partir en week-end, Jean-Luc Franck. Hein. J'entends que tout à coup il y a de la musique de qualité qui passe. Mon Dieu, The Voice. Tu sais que normalement c'était moins The Voice. Hein. C'est vrai? Oh là là, je Qu'est-ce suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je ne sais pas. Donc là. C'était vous quoi? En jury ou à la place de Kenji? Ah non. La vraie. Le gagnant. La vraie The Voice. C'est moi. Après, faire toute une émission quand on connaît déjà le gagnant, ça n'avait pas d'intérêt, Jean-Luc. Non, mais tu sais, il devrait faire le voice que pour les suivants. Mais là, c'est comme Elvis, le King. Oui. Tu ne peux pas avoir une émission qui s'appelle le King, la nouvelle King. Ça ne va pas. Non, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas. On va vous engager pour les programmes de la RTBF, Jean-Luc. Ah, écoute, ça. Il y a des idées. Ça ferait du changement. Les hommes préfèrent les grottes. Oui. Ce n'est pas le nom de votre nouvel album, c'est le nom de votre livre. Oui. Alors, comment on peut décrire ce livre? Parce que alors, vous êtes. On peut le dire, ce n'est pas méchant, mais vous êtes dans votre tête, il y a des trucs bizarres qui se passent quand même. On retrouve cet état d'esprit dans le livre. Oui, en fait, si je vais, c'est le dixième. Ouais. Okay. Et par hasard, j'ai commencé à écrire des livres début 2000. et sont des histoires un peu comme, comme des rêves, des histoires complètement, on peut dire un peu cinglées, ouais. Mais il y a quand même une histoire qui se passe, enfin il y a une aventure, mais bon, les choses, tu sais qu'à partir du moment où tu écris des bouquins, tu peux faire parler les tables, les chaises, pourquoi pas. Là c'est toujours le même personnage qui s'appelle Hubert, et il s'appelle Hubert parce que je ne connais pas d'Hubert. D'accord. C'est très difficile de trouver chercher un prénom de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah, c'est vrai, parce que si on ne connaît pas, il y a peu de chances qu'on tombe sur ce prénom. Donc ça m'a mis déjà une cinquantaine d'années, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire sur le tard, il fallait trouver le prénom. Donc Hubert a toujours des aventures un peu étranges, comme il est toujours tout seul. Enfin, on ne sait pas si c'est le même Hubert qui a toutes les aventures, ou bien si dans chaque aventure, c'est un nouveau. Le héros s'appelle Hubert. Ben ouais. Comment c'est arrivé cette idée de faire des livres? Est-ce que c'est un éditeur? Ici, c'est Luc Pierre, votre éditeur. C'est lui qui est venu vous voir un jour ou c'est vous qui êtes allé avec un projet? Vas-y, t'es sûr que ça va marcher, ça? Écoute, tout au début, on a fait une tournée avec Stella et avant chaque concert, on tournait un petit film dans la ville d'une vingtaine de minutes, ouais. Dans lequel il y avait un micro-trottoir. Et donc, je pouvais pas faire le micro-trottoir où on posait des questions, tu vois, du genre, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas quelle heure est-elle alors qu'on dit une heure? C'est hein? Vrai. Donc voilà, les gens répondaient. Mais je ne pouvais pas faire parce qu'on me reconnaissait, donc ça ne marchait pas. Et donc j'ai gardé les sacoches dans un café et j'ai commencé à écrire des histoires. J'en ai parlé à mon camarade Jacques Mercier. Et Gueluc venait de démarrer une collection. Et donc j'ai commencé le premier bouquin, c'était en collection C'est pour offrir de Philippe Gueluc. Et puis ben, voilà, c'est de fil en aiguille, tu sais bien. Et alors j'expliquais dans le tout premier. Comme ça fait une quarantaine d'années que je chante sans savoir chanter, il n'y a pas de raison que je n'écrive pas. je ne sais pas mieux écrire que je sais chanter. Mais en plus, ce qui est cool, c'est qu'on passe un vrai bon moment à lire. Alors si c'est le dixième, oui, c'est pas pour rien. Quand même. C'est mais l'idée. C'est que les premières pages, on se dit, mais où est-ce qu'il nous emmène? C'est quoi cette histoire? Alors... et en fait, tout est écrit comme vous le raconteriez, comme ça se passe dans votre tête. Voilà. En fait, quand j'écris une histoire, je ne fais pas de plan, je ne sais pas ce qui va se passer. Ouais. Donc je me dis, bon, je vais m'auto-raconter une histoire, et je commence à raconter, puis bon, à moins de me débrouiller pour que... voilà. Et donc j'invente au fur et à mesure. Et je dois noter qui sont les personnages, parce que tu vois, à un moment, j'arrête, et puis je recommence le lendemain, et je ne sais plus que, comme je ne relis pas, je ne sais pas que Paul s'appelle Paul, que Pierre s'appelle Pierre, que Jacques s'appelle Jacques. C'est compliqué. Parfois, ils changent. Ce qui nous ramène à l'histoire des surnoms, parce que si en plus on ramène des surnoms dans votre livre, après on est perdu. Ouh là là. Justement, à propos des surnoms, on reparlera de votre livre « Les hommes préfèrent les grottes » dans un instant. Les surnoms de votre anatomie, puisque ça intéresse beaucoup les auditeurs de Vivacité aujourd'hui, oui. Visiblement. On nous dit, une ancienne compagne l'appelait Max. C'est Thierry qui dit ça. Oh, Max, c'est assez ambitieux comme Max surnom. Max la menace. Ça peut faire peur. Le petit chauffe à col roulé, ça c'est pas mal aussi comme nom. Whiskas aussi, et je ne vous lirai pas la suite. On imagine bien. 3063 par SMS, vous continuez à parler de vos surnoms pour certaines parties de votre anatomie. Et puis, si vous avez des questions à Jean-Luc aussi, n'hésitez pas, il est l'invité de ce 5 à 7 30 63. Je vous attends par SMS. C'est un rendez-vous qu'on rate jamais forcément dans le 5 à 7. On passe une petite tête en cuisine avec Candice Cotter. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Je vais vous demander de l'ouverture d'esprit ce soir. Ah, j'ai peur. Ces dernières années, on a vu émerger dans les supermarchés de nouveaux types de lait. Tout le monde voit bien. Donc on a remplacé le lait de vache, il y a eu des laits vegan, donc il y a eu des laits aussi végétaux, style soja, riz, ouais. Etc. Amandes, tout le monde voit bien. Et bien maintenant, il y a un nouveau type de lait qui fait parler de lui dans le monde, le lait de cafard. Le lait de cafard. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Explication. On parle du cafard, le cafard qu'on a envie d'écraser quand oui. On le voit. Oui, et qu'on ne voit pas, sinon il explose et il est. Ouais, c'est dégueulasse. Oui, mais oui, on parle du même. Donc des scientifiques ont étudié une espèce particulière, la Diploptera punctata, qui a la particularité d'être la seule espèce vivipare dans le monde des cafards. Donc c'est-à-dire qu'elle ne pond pas d'œufs, mais elle met directement ses petits au monde. Je vous vois venir blême. Mais oui, vous savez que rien que de parler de cafard, je suis en train de me gratter. Quoi. C'est un truc qui je trouve. Je vous assure répugnant. Que c'est génial. Cette blatte, donc, elle produit durant la gestation une substance nutritive, qui est qualifié de lait, même si c'est pas évidemment du lait, mais enfin c'est laiteux, à la manière des mammifères. Et ce lait a comme avantage d'avoir non seulement un super ratio de protéines, de graisse, de sucre, première chose, mais que ces protéines qui sont contenues dans cette espèce de lait sont libérées, et ça c'est différent, à taux constant dans le corps pendant la digestion. Donc quand on ingère ça, on a en permanence les bienfaits des protéines et donc l'énergie donnée par la protéine de manière constante tout au long de la journée dans le corps, ce qui n'est pas le cas d'une protéine de base qu'on ingérerait, on a un boost pendant une heure et puis après on est bon. Après on est un peu moins en moins en forme. Je rassure tout de suite ceux qui tiquent. C'était une très bonne blague. Joli. C'était très bon. Peu de chance que ça arrive dans nos rayons, parce que la production... Bonne nouvelle. La production par cafard, non, il faut s'imaginer. La production par cafard reste très faible en poids pour des besoins humains. Et deuxièmement, cette substance nutritive se trouve dans les intestins des cafards. Donc, pour la récolter, il faut ouvrir les cafards. Et on ne va pas faire de ferme pour les cafards. On ne va pas faire des fermes à cafards comme on fait parfois des fermes à insectes. Donc en gros, les scientifiques ont réussi à séquencer les gènes responsables de la production de ce lait et vont essayer de produire la substance directement en laboratoire sans utiliser la blatte. Résultat, on va pouvoir consommer ce lait de cafard synthétique en ayant les bienfaits. En ayant quand même les bienfaits, même une vitamine synthétique reste une vitamine quand même, absorbée différemment par le corps, mais parfois même mieux selon les vitamines qu'on ingère les unes avec les autres. J'ai envie de dire du révolutionnaire pour les céréales du matin. Je suis pas sûr que c'est bon ou pas. Je n'ai pas goûté, mais c'est vraiment quelque chose qui... Vous tapez lait de cafard dans Google, vous allez vous retrouver sur 46 trucs, ça fait le boom, c'est vraiment le truc tendance du moment. Et ça va arriver chez nous à un moment, ça va arriver de manière synthétique chez nous. Le plus tard possible. Et comme on ne croyait pas au fait que les insectes allaient réellement arriver chez nous il y a encore 10 ans, et puis en fait si. Donc, c'est pas ce qu'on mange tous les jours non plus quand même. Quoique j'ai déjà mangé une sauterelle grillée dans le sud de la France et c'était pas dégueu. Mais ce n'est pas mauvais, moi j'en ai mangé aussi pas mal, j'ai mangé des vers, j'ai mangé différents trucs. Honnêtement c'est vraiment psychologique, je ne raffole pas, mais c'est psychologique. Et le lait de cafard c'est encore une autre étape quand même. On est d'accord. Merci Candice, à demain. Ce message s'adresse à vous, qui gardez de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous, qui voulez vous lancer dans les placements. Vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Excusez-moi, oui ? La Peugeot 208, là, le parc assist, elle l'a ? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Ah oui ? Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, BNJ Electrabel. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites-le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur FIF.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Tu as fui ton pays. Après des années de guerre, ton retard scolaire te paraît insurmontable. Au Liban, 250 000 enfants réfugiés syriens sont privés d'école. Grâce à un soutien scolaire, une nouvelle vie peut commencer dès la rentrée. Avec vous et Caritas, ils dessinent leur avenir. Faites un don sur caritasinternational.be. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. Pour réécouter les meilleurs moments du premier talk show radio du foot en Belgique, rendez-vous sur vivacité.be. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles, quel que soit votre style, vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvatore. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget, des prix vraiment plus qu'accessibles, des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Villevorde et Rode-Saint-Genèse. .be. Vous écoutez Vivacité, il est 18h30, voici les titres de l'actualité tout de suite. Avec David Riffon, bonsoir à tous. Bonsoir mon cher Cyril, armez-vous de patience si vous devez quitter le centre de Bruxelles en cette fin d'après-midi. Principalement le quartier européen, la rue de la Loi par exemple, de très gros embarras de circulation. Des routes sont fermées, de même que des tunnels. En cause, une manifestation. Plusieurs milliers de personnes sont rassemblées pour dénoncer le TTIP et le CETA, deux traités de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis et entre l'Europe et le Canada. De nombreuses ONG redoutent que les standards américains soient imposés aux Européens si ces accords voient le jour. La grève générale du 7 octobre prochain n'aura pas lieu chez nous. La FGTB lui préfère des actions ciblées par centrale professionnelle et par région, éventuellement en front commun avec la CSC. Les conditions pour une grève générale ne sont pas réunies, selon le syndicat socialiste. Une manifestation nationale figure toutefois à l'agenda pour le 29 septembre et une grève générale n'est pas exclue à terme, toujours selon la FGTB. Bonne nouvelle pour les étudiants en médecine. La justice autorise les étudiants de Namur et de Nivelles à passer en deuxième bac. Ces étudiants qui ont réussi leur année, mais pas le concours de fin de première qui donne droit au numéro INAMI. Ce sont les fameux reçus collés. Ceux qui ont réussi au moins 45 crédits sur 60, ceux-là peuvent donc s'inscrire en deuxième. La Fédération des étudiants francophones se félicite de cette décision de justice. Deuxième journée pour le procès Westphal devant les assises du Hainaut, avec aujourd'hui l'audition de policiers et de juges d'instruction. Les relevés téléphoniques ont été analysés. Le tribunal s'est aussi penché sur des photos, notamment du corps de Véronique Piroton. On en reparle dans notre édition de 19h. Et puis Cyril, du football ce soir, début des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Deux rencontres, Bruges-Lommel et Dessel-Sport Moucron. Ah ben on suivra ça, merci beaucoup David. Il est 18h32, il est l'heure de tout savoir sur la météo avec Dominique. Et d'abord la nuit prochaine, 11 à 13 degrés et un ciel étoilé dans la plupart des régions, mais du brouillard qui va s'installer dans les vallées du sud. Et puis demain, on aura droit à du temps sec et ensoleillé, maxima 16 à 22 degrés. Jeudi, il fera encore sec, mais là les nuages vont s'épaissir au fil des heures et on peut s'attendre au passage d'une zone pluvieuse à partir du littoral en soirée. Maxima toujours à peu près dans la même fourchette, 17 à 22 degrés. Notez que vendredi, la zone pluvieuse va s'évacuer en matinée et on reviendra à un temps sec à partir de l'ouest, mais on va perdre des degrés, 16 à 18 degrés seulement. Ah, merci Dominique. C'est pas très chaud, mais on fera avec. Avant de retrouver Jean-Luc Fonck, qui est l'invité de ce 5 à 7, à 18h33, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovier. Ça coince ce soir. Ben ça coince pas tellement du côté de la manifestation, parce que visiblement, les automobilistes nous ont bien entendus et évitent le quartier. En revanche, boulevard Louis Schmitt, boulevard Ayer, c'est boulevard Lambermont. Là, il y a quand même pas mal de ralentissements, donc pas loin des bâtiments centraux de la RTBF. Là, ça coince pas mal. Terminé pour l'accident sur le ring de Bruxelles en extérieur à hauteur de Zaventem. Les fils se résorbent vers Grand Bigard. En revanche, toujours en cours, l'accident impliquant plusieurs véhicules sur le ring en intérieur, cette fois à hauteur d'Oulart. La bande de gauche est neutralisée, ce qui engendre de gros embarras de circulation. Alors, le point sur le ring de Bruxelles, plus 44 minutes quand même, c'est 42 minutes au lieu de 5, c'est pas mal. Pour l'intérieur, Zaventem Carrefour Léonard, plus 20 minutes pour l'extérieur, Zaventem Grand Bigard, plus 16 minutes pour l'intérieur, Carrefour Léonard au titre, plus 14 pour l'intérieur, Grand Bigard, Zaventem, et plus 11 minutes pour l'extérieur au titre, Carrefour Léonard. Notez ce contrôle de vitesse sur le 411 Arlon-Namur entre Transine et Wellin en direction de Namur. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva jusqu'à 19h. 5 à 7. Un petit 5 à 7 avec Jean-Luc Fonck. Franchement, si j'avais un jour pensé dire ça quand même. On se fait un 5 à 7 ensemble, Jean-Luc. C'est incroyable. C'est drôle, hein. Non, mais tout. Et sans se cacher, quoi, en plus. Oh, bah oui, non. Au vu et au su. En tout cas, au su. En même temps, à un moment, faut assumer, Jean-Luc, tout simplement. On parle de votre livre « Les hommes préfèrent les grottes » dans un instant. Avant ça, on va tout de suite au téléphone où quelqu'un est là. C'est Julien de Liège. Bonsoir, Julien. Julien, est-ce que vous êtes là? Décidément, ce soir, le téléphone ne veut pas fonctionner. C'est bien que vous soyez là en vrai, Jean-Luc, parce que sinon, on pourrait Julien pas Julien a une voix, on dirait qu'il fait « ting, ting, ting, ting, ting, ting ». Une belle voix. Ça démarre par un problème technique, ça va terminer avec un nouveau single, cette histoire. Oh là là. Bon, ben Jean-Luc, en attendant de retrouver Julien peut-être dans quelques minutes, parlons de ce livre, Les hommes préfèrent les grottes. Pourquoi cette histoire d'un homme qui doit tout vérifier, en fait? Alors oui, donc Hubert travaille dans un ministère, il est dans un ministère, et c'est un ministère qui vérifie les choses. Ouais. Donc tu sais, par exemple, on dit, tiens, il paraît qu'il se passe quelque chose de spécial à Wavre, Va voir là-bas. Et il va voir et il regarde et puis il fait son rapport. Et là, on lui dit qu'il se passe quelque chose de spécial dans les grottes de Han. Il va voir. Et puis, bon, l'histoire raconte un peu. Ce qu'il voit. Et la fin de son rapport. Alors, c'est toujours un peu spécial parce que les aventures d'Hubert. Tu sais, c'est un gars. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas quel âge il a. On ne le dit pas, on ne le décrit pas. C'est vrai. Il y a très peu de descriptions. On sait qu'il aime bien aller boire des coups. Oui. Ça, il aime bien aller voir chez son ami. Chez son ami Polo. C'est ça? Bah, c'est Popol, non? Justement. Chez Popol, parce qu'on en parlait depuis tout à l'heure de Popol, mais alors, il va voilà. Chez Popol. Là, si tu veux, par exemple, ça, c'est un bon piège, parce que c'est comme ça que tout à coup, Popol, trois pages plus loin, devient Polo. Et que heureusement qu'il y a quelqu'un qui corrige en me disant est-ce que c'est bien normal que Popol devienne Polo? C'est ça. Je dis mais non, écoute, c'est déjà pas évident comme ça, donc. Vous avez lu votre livre? Oui, je l'ai lu plusieurs fois, mais après. Tu vois, parce qu'après, tu dois corriger, et puis alors c'est tu vrai, ça. Voilà. Mais autrement, oui, non, non. Quand je l'écris, je ne lis pas. Enfin, je ne le relis pas. Je l'envoie tel quel. À l'éditeur, je dis, voilà, regarde un peu ça. Il faut faire gaffe, parce que peut-être qu'il met des surprises dedans après. Non, après, je relis pour corriger. Après, on vérifie. Oui. Pourquoi ça se passe aux Grottes de Han? Il y a un partenariat, parce qu'en plus, il y a les logos du domaine des Grottes alors, de Han. Alors, si tu veux, le principe de cette collection de romans de gare chez Luc Pire, c'est que ça se passe un peu dans toutes les villes. Et c'est le deuxième roman de gare. J'ai écrit le premier, ça se passait à Arlon. Ouais. Qui est ma ville natale et qui s'appelait Arrête, tu m'étranques. Avec, tu vois. Oh, ça me donne soif cette histoire. Une histoire dramatique, si tu veux, d'un monstre qui vit dans les égouts. C'est un peu. Tout est réel, mais c'est une légende, évidemment, qu'on me racontait quand j'étais petit. Ici, c'est les Grottes d'Or. Il va falloir quand même raconter un jour au public ce que vous prenez. Parce qu'il ne faut pas être tout net, sincèrement, pour écrire des choses comme ça. Écoute, je prends du bonheur. Et alors, en prenant du bonheur, tu écris ça avec beaucoup de plaisir. Et non, je ne prends rien. Oui, un peu, oui des trucs, tu vois... Tout ce qui est légal, quoi. Oui, tout ce qui est légal. Voilà, tout ce qui peut se boire, voilà, ouais, des choses comme ça. Oui, oui, je ne sens jamais rien d'autre dedans. Une eau pétillante, parfois avec une paille. C'est peut-être la paille. Mais c'est un fou. Dieu sait ce qu'ils mettent dans la paille. Bah, oui, tu sais, quand on était petit, il y avait les surprises, là, avec des sures, ouais. Des enveloppes et on suçait. Ah, oui, et oui, alors, oui. Il y avait un et petit truc. Que... Oui, mais c'est horrible. Ouais. Ça, à mon avis, mais voilà. Mais ça... tout se passe pendant la nuit, hein, tu sais. C'est vrai? Oui, oui. Ah oui. Quand tu t'endors avec une idée, la nuit, elle chemine et elle sort le lendemain. Ah oui, bah moi, généralement, le lendemain, j'ai oublié. Donc... Ah oui. Ouais, ça, c'est le genre de choses qui arrivent. C'est peut-être l'âge, je ne sais pas. Il y en aura d'autres après? Bah ou... écoute, j'espère. Ça m'amuse vraiment de décrire les histoires comme ça parce que tu peux laisser. Et puis bon, ça raconte. Tu vois, il y a une vraie histoire. Hein, ouais, donc... Il y a une vraie histoire. Et je trouve que c'est un des rares livres où vraiment on a des. Et c'est pas une blague, je dis pas ça parce que Jean-Luc est là. Mais c'est un des rares livres où on a des éclats de rire juste en lisant. Écoute, on est tellement transporté dans l'histoire. L'idée, c'est comme pour tout ce que je fais d'autre, les chansons, les spectacles et tout, c'est du divertissement. Hein, je veux dire, il n'y a aucune arrière-pensée. Il faut qu'on se divertisse un peu et il faut penser à autre chose qu'à tous ces problèmes. Eh ben, on en a bien besoin. N'hésitez pas, du coup, pour vous divertir, à acheter ce livre, Les hommes préfèrent les grottes, écrit par Jean-Luc Fonck. Ça rapporte, ça gagne bien quand on écrit un livre ou pas? Non, non, non. Non, ça saurait, si tu veux. Bon, oui, il y a un million de tomes, sans doute que ça rapporte parce que. Oh, c'est pas le style qui lui plairait, ça. S'acheter des chapeaux comme ça, tu sais, il faut quand même de la thune, à moins qu'elle ait un sponsor avec les chapeaux. Non, non, elle est charmante, Amélie en tombe, et voilà. Non, ça ne rapporte pas, c'est amusant. Tu fais ça pour t'amuser. Oui, oui. Ah bah c'est sympa, parce qu'on en prend bien du plaisir en lisant ça. Merci Jean-Luc d'être passé ce soir par le 5 à 7. Si vous avez envie de rester, vous êtes à la maison. Alors, pour les substances, donc si tu veux, par exemple, quand on met du Vicks dans le nez... Oui, on est toujours à l'antenne, Jean-Luc, attention. C'est pas grave, ça ne sert à rien, il faut jeter ce qu'il y a dans le tube et manger le tube. C'est comme ça que c'est. Donc c'est un conseil que je donne, les enfants, ne faites pas ça à la maison, mais voilà. Voilà, c'est un professionnel, ne faites pas ça chez vous. Merci Jean-Luc, bonne soirée, il est 18h39, voici l'histoire de Moïse et Marc Toesca, Pop Story sur Vivacité. Pop Story. Marc Toesca. Aujourd'hui, Pop Story rend hommage à un des mots les plus utilisés de la langue française, le mot con, C-O-N. Grossier personnage. Bien avant qu'il ne soit utilisé comme insulte ou injure, le con, dans son étymologie latine, cunus, veut dire la vulve et désignera plus vulgairement le sexe féminin. Très bien, essayons de faire le point. C'est au Moyen-Âge, époque où la femme était très peu considérée, que l'on associa son sexe à certaines personnes, les cons. Oh oui, oui. Depuis, la tradition perdure et certains se régalent à en faire des films ou des chansons comme Brassens. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Non mais ça va pas la tête. Quand on lui adressa un virulent « mort au con », on raconte que le général de Gaulle prit le temps de répondre à son interlocuteur « vaste programme ». Et oui, il y a de quoi faire, car paraît-il, nous sommes envahis, encerclés, et comme dit Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire, ni le temps, ni l'âge, hélas. Vanessa Paradis en a fait cette chanson, celle des vieux cons. C'est une chanson... pas dans les tontons flingueurs, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Une réplique culte signée de Michel Audiard, le maître en la matière dont la maxime « Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche » illumine les dialogues du film « Un taxi pour Tobrouk ». Et c'est dans la bande du film Le Pacha avec Gabin et coécrit par Audiard que l'on retrouve ce requiem pour un con de Gainsbourg. Écoute les orques, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem. Même si dans le midi, le mot « con » ponctue chaque phrase, que l'on parle de la pluie ou du beau temps, dans le reste de la francophonie, on l'utilise plutôt, comme le disent les linguistes distingués, dans un sens dépréciatif. Au mois de décembre 87, Marc Lavoine pointe au sommet de notre top avec la chanson « Le monde est tellement con » et personne depuis ne l'a démenti. Tu dors peut-être, moi je ne peux pas. Je vois la terre en bas. Ici tout me dépasse, même le silence et les aiguilles qui passent sur ton absence. À quoi tu rêves? As-tu des envies? Connais-tu la fièvre? Froisses-tu ton lit? Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici, m'en aller sans raison, ne plus donner signe de vie, respirer d'autres pas, essayer d'autres lits, me perdre par hasard, oublier qui je suis. C'était en 1987 et oui, comme le temps passe, Marc Lavoine, le monde est tellement con. Magie de la radio, magie de la technologie. À 18h47, je peux vous le dire, normalement Julien est avec nous au téléphone alors qu'il n'était pas là il y a quelques secondes. Julien, vous êtes là? Eh bien bonjour. Ah bonsoir Julien, ça fait plaisir de vous entendre. Julien, bonsoir, je vous présente Jean-Luc Fong qui est resté dans le studio, il prend l'apéro. Julien, Jean-Luc, Jean-Luc, Julien. Bonjour Julien. Bonjour, moi ça va, je suis en cuisine, donc je suis à l'heure de l'apéro aussi. Ah bah c'est bien, vous préparez quoi? Oh, bah le, comme d'hab, pour le resto, hein, la bonne bidoche. Ah bah ça c'est très bien. Dites-moi, vous parliez de surnoms par SMS, on cherche le surnom des attributs masculins puisqu'on parlait tout à l'heure de ça avec Ophélie Fontana, c'est, tout est parti d'Ophélie Fontana, c'est la coupable, elle nous parlait de cette fresque de pénis à Saint-Gilles à Bruxelles. Alors quel nom vous donnez, vous, quel surnom vous donnez? Tu sais pourquoi je l'appelle Vérité, moi? Non. Non? Parce que le reste c'est des couilles. C'est pas mal, c'est pas mal. Vérité, ça vous plaît comme prénom, ça, comme surnom, ça, Jean-Luc? Écoute, oui, ça me fait toujours un peu peur. J'imagine les gens qui l'appellent comme ça. Ah bah. Alors Vérité, on va aller faire pipi. Après, si vous retentez de rentrer en communication, c'est particulier. Il y en a un qui dit « Mon épouse l'appelle la neige ». Est-ce que j'ai lu la suite ou pas? Je demande à l'équipe. Ok, l'équipe me dit oui. Car on ne sait jamais combien de centimètres il va y en avoir et combien de temps ça va tenir. Voilà, là-dessus, Christian, c'est son message. Julien, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit et à bientôt. Merci à vous et à toute l'équipe. À bientôt pour la suite du 5 à 7. Il y a un vélo à gagner, un vélo d'une valeur de 1000 euros. 1000 euros, c'est ce vélo électrique, vélo avec assistance électrique que vous remportez toute cette semaine. Il suffit d'envoyer mobilité pour vous inscrire au 60 03, c'est 75 centimes. Le message, bonne chance à vous. Et puis on parle de vidéos qui font le buzz aussi dans quelques minutes, bougez pas. Vous venez de percevoir votre assurance groupe et vous voulez faire fructifier cet argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, J'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durando, doyenné du Comice, conférences et conférences bio. Mmh. Et leur prix ? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires ? Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurances, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes. Sessions sur piste, parades et bien plus encore. Inscription et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. Bientôt l'automne. Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressings, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. Besoin de changer vos châssis ? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto, métro, vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser, mixer, bouger. Je me suis dit Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, Be Brussels. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Juste après. Ah, il y a un bisou qui fait le buzz en ce moment sur Internet. Alors, c'est pas entre des gens. C'est un orang-outan dans un parc animalier qui a été attendri par une future maman. Et alors, c'est hyper mignon. On vous a mis ça sur vivacité.be. Il y a l'orang-outan qui s'approche de la vitre et qui fait un bisou à travers la vitre sur le ventre de la maman. Voilà, c'est hyper mignon comme comportement. C'est une vidéo qu'on voulait partager ce soir dans l'émission et que vous pouvez retrouver sur vivacité.be. Allez y faire un tour. Et alors, les animaux ont la cote aujourd'hui. Dominique, on va parler de vaches avec vous. Oui, effectivement, c'est une image qui a fait un petit peu le buzz le week-end dernier. Ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'est une vache floutée. En fait, c'est un journaliste américain qui a trouvé cette photo. Une scène assez cocasse, ça met en image une vache paisiblement en train de brouter de l'herbe le long d'un canal en Angleterre, la tête floutée par le logiciel de Google Maps. Vous pouvez, cette image date de 2015, vous pouvez toujours la retrouver sur Google Maps dans la recherche Koufen, qui est le nom de la petite localité anglaise où se situait l'animal au moment de la photo. Et on ne sait pas pourquoi en fait ce logiciel à flouter un animal. On sait que la politique de confidentialité de Google, c'est de flouter automatiquement les visages et les plaques d'immatriculation. Si vous voulez, vous pouvez aussi demander à la Google Car de flouter. Je crois qu'on vous écrit. Oui, c'est ça. On est en train de m'envoyer un SMS. Et ça, la technologie est un peu abusive aussi. Ça sonne fort. Donc en fait, la Google Car, elle passe, elle vous prend en photo votre maison. Vous pouvez exiger que votre maison ou votre voiture soit entièrement floutée. Mais on n'a toujours pas trouvé de trace dans cette politique de floutage d'animaux. En non fait, ce floutage est permanent, mais on n'a rien stimulé. Déstipulé par rapport aux animaux. On peut imaginer peut-être que c'est ou un bug ou je ne sais pas parce que c'est pas la vache qui s'est plainte quoi. Non forcément, mais c'est peut-être le propriétaire. Ceci dit, il y a une autre vache sur l'image qui n'est pas floutée, qui est un petit peu plus loin. Bon, c'est qu'elle a une tête d'humain ou alors que des humains ont des têtes de vache. Ça c'est possible. C'est plutôt drôle en tout cas à voir comme scène. C'est assez drôle. Vache anonyme donc sur Google Street View. Merci Dominique. Une autre news à propos de d'animaux. C'est dingue, les animaux sont à fond dans l'actu aujourd'hui, Guillaume. Moi je voulais aussi ma petite info animale. C'est Shane, c'est un petit koala et vous verrez, il est vraiment super mignon. Malheureusement, l'info est un peu moins drôle au départ en tout cas. C'est qu'il a perdu sa maman, elle s'est fait écraser